Moi aussi. Trois fois cette année. Pourtant, ce prédateur vicieux sévit en plein jour, en pleine ville, en pleine foule. Ça nous est arrivé. Pour proliférer, ce mal universel utilise la plus insidieuse des armes, l'indifférence. En ce mois de marche, aidez-nous à combattre les chutes dans les escaliers. Rappelez à ceux que vous aimez et aux autres que faire attention dans les escaliers, ça marche! Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, ambulance, fromage et permission d'aller aux toilettes. Et s'ils ne vous font pas rire ce soir, on vous rembourse l'entrée. Luduc, Mathieu Boudreau, Coralie Laperrière, Luc, Arnaud Audette, Jonathan Simon, ainsi que notre invité Virginie Fortin, en direct du Brouhaha à Montréal, vous subissez 70%. D'être à 70%. Merci d'être avec nous. Mon nom est Tommy Godette, animateur de 70%. Et cette semaine, j'ai lu une blague très drôle sur Facebook. Je veux commencer l'émission avec ça. C'est un gars, il a écrit là, ces temps-ci, il y a plein de Social Justice Warriors sur Facebook. Mais ils sont où les Social Justice Sorcerers puis les Clerics? Ça va prendre d'autres classes à un moment donné si on veut passer le donjon, je pense. Et ça m'a beaucoup fait rire. Toi, Bruno, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je suis allé à Sherbrooke en fin de semaine. Oh, Sherbrooke? Ouais, pour aller voir des amis là, de ça, Sherbrooke. Ouais, ça veut dire que c'est du monde qui font du cirque? Non. Hein? Non, c'est tous des physiciens. C'est vraiment plate. Ah oui, ça fait des jasettes. Ça passe des affaires, là, c'est dans le site. On va envoyer le James Webb dans l'espace cette année, finalement. Ça fait 11 ans que c'est retardé. Le projet est rendu qui coûte 7 milliards à place de 700 millions. Mais on devrait être capable de voir jusqu'à quelques secondes après le Big Bang. J'aurais dû filer du pot avant de venir ici. Ah, j'en ai, si jamais tu allais faire un petit tour dehors. Non, mais en tout cas, d'ailleurs, on pourrait être rendu à ce moment-là dans l'émission. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, applaudissez notre invité, ben Virginie oui, Fortin. Voyons, ben oui. C'est moi. Merci. Capoté. Ben oui, merci d'être avec nous. Ben merci de me recevoir. J'ai entendu dire que tu as un planning assez tight à soir. Ah, écoute, je suis comme un président. Comme un président. Ah ouais, hein? Là, tu te sors, tu prends l'hélicoptère, puis tu t'en vas ailleurs. Là. Non, ben, ce qui arrive, c'est que là, je sors de faire de la radio avec Eric Salvay, puis j'arrive ici. Fait que, tu sais, laissez-moi deux petites secondes. Ah, pas de réhabilitation. Veux-tu toucher du poil, ça peut aider. Peut-être. On a eu ton copain, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Quand même. Ah, ouais, il est pas frisé, ton poil de chest. Non, moi, il est comme cheveux. Ah, il est cheveux. Ouais, c'est tout doux, en plus. Ben, parce que moi, il est frisé. Moi, il est quand même. Ah, toi, il est frisé. Ouais, moi, il est quand même. Bon. Lui, c'est standard. Moi, j'ai comme mis vraiment plus 3 dans mon poil de chest. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai jamais mis de fer là-dedans. Même quand j'ai eu du poil pour la première fois, vraie histoire, je devais avoir 14-15 ans. Et puis, j'étais pas mal fit dans ce temps-là. Puis là, à un moment donné, je check, puis j'ai vu que j'avais un poil qui partait de là, puis qui suivait mes seins comme ça, puis il était rendu en bas de mon mamelon comme ça. Pas de joke, j'aurais dû le garder. J'ai tiré, c'était vraiment long, puis c'était tout blanc. Là, je fais pink! Là, c'est parti après ça. Ben voyons. Tu t'en es-tu servi pour te laver les dents, au moins? Non, je me rappelle pas ce que j'ai fait avec, mais j'ai dû le jeter, là, c'est comme rien. Là. J'ai dû. Non, moi, j'ai déjà utilisé un cheveu pour. Pour vrai? Pour te passer la soie dentaire, ouais. J'ai déjà utilisé un cheveu comme soie dentaire. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas assez solide et ça pète. puis là, t'as l'impression que t'as rajouté quelque chose. Faut que t'en prennes plusieurs, en fait, puis que tu les twists. Moi, je l'ai fait trop souvent. Check ses dents, avec souris. C'est beau. Sinon, ben Virginie, moi, j'ai entendu dire que t'as commencé en impro. Ouais. Ça, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Ben oui, pourquoi l'impro? Mon Dieu, c'est un pourquoi qui vient-il avec du jugement, ça? Ou c'est un pourquoi on juge tout le temps, hein? On juge un petit peu l'impro. Ben, j'avais 12 ans, puis j'avais 12 ans. J'ai fait de l'impro. Puis quand t'as 12 ans, ça a l'air cool du monde avec des chandails de hockey puis des jogging. Fait que j'avais... Non, mais c'est vrai que quand tu fais pas partie de l'impro... Mon chum, l'autre fois, justement, me disait à quel point ça a donc même pas rapport à l'impro. Je le trouvais un petit peu méchant de dire ça. Ben ouais, il est rough que... avec ça. Non, mais c'est parce que c'est vrai que de loin, les clics d'impro ont un peu l'air tata, là, tu sais, de faire comme « Oh oui, on fait de l'impro, des sketchs, puis ils sont en jogging, puis en chandail de hockey, puis ça se prend vraiment au sérieux, puis ça fait des tournois d'improvisation. » Mais ça fait aussi souvent des clics un petit peu fermés. Toi, t'as commencé de bonne heure, fait que... Comme dans n'importe quel milieu, il y a des clics fermés, je pense. Ben, mais l'impro, j'ai commencé par l'impro. J'ai fait de l'impro depuis j'avais 12 ans jusqu'à tout récemment. Puis ça m'a aidé à comprendre que j'étais capable d'être drôle, je pense. C'est un peu pour ça, c'est l'impro. Puis sinon, pourquoi l'impro? Probablement pas, j'avais jamais ça avoir de l'attention. Puis ça me permettait d'avoir des amis au secondaire. C'est pas fou. Moi, je jouais à Donjons et Dragons parce que ça m'a appris que j'étais capable d'être célibataire et vierge. Oh, ouais! T'as-tu joué à Donjons, d'ailleurs? Non, malheureusement, non, j'ai jamais... C'est de l'impro, mais avec des dragons puis des elfes. Oui, mais faut comme être costumé. Pas cool. Non! T'es costumé dans ta tête. Ah, c'est pareil comme l'impro, sauf que des fois tu brosses un dévin. J'ai jamais joué à ça. Ah non, hein? Non, je m'excuse. Je t'excuse pas, c'est correct, c'est fait. Ça peut être une expérience à vivre dans le futur et peut-être que ton copain va embarquer un peu plus parce que d'habitude, tu as du poil, si tu lui mets une double battle sword dans les mains, ça embarque un peu plus. Et puis sinon, là, tu t'en vas faire quoi après? C'est quoi l'autre spectacle que t'as ce soir? Non, c'est même pas un spectacle. Je vais vous dire, c'est une activité mondaine. Oh. Je vais vivre une activité mondaine. 5 à 7, parce un petit peu en retard. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est plate en plus, mon activité, je m'en vais faire après, mais je vais dire pareil. T'as bord ouvert ici, tu reviendras. C'est vraiment sweet de m'accueillir, mais je m'en vais... c'est tellement... Je peux pas croire que je dis ça. Ben, t'es pas obligé d'en parler. Non, trop tard. J'ai commencé ma phrase. C'est bon. J'ai eu la chance d'être comédienne dans une comédie dramatique qui sort le 23 mars sur Ici Tout TV. C'est ma fête. Voilà. Bon, ben, c'était juste... Bonne fête, c'était pour toi qu'on faisait ça. Ben oui. Puis là, c'est le grand visionnement d'équipe. Là. Tu sais, tous les acteurs et l'équipe, là, on se réunit tous ensemble pour regarder les 4 premiers épisodes, puis j'ai rien vu. J'ai rien vu d'une série dans laquelle je fais semblant de faire l'amour à un moment donné. Fait que je m'en vais vérifier c'est que ça a de l'allure. C'est la première fois, c'est la première fois que je faisais semblant. Oui. Je suis plus vierge de faire semblant de faire l'amour maintenant. C'est ça, ouais. À l'écran, surtout. Ouais, on m'a déviergé mon Ton vierge. Mon personnage. C'est ça. Puis sinon, de quoi je voulais parler? Ah, c'est sûr qu'il faut que je te le demande. J'ai l'impression que ça va être non. Tu joues pas à Magic? Mon Dieu, hey, ça veut dire oui, je ne joue pas à Magic. Non, je ne joue pas à Magic. C'est correct. Et puis, oui. En fait, oui, normalement, tous les invités passent par un espèce de un processus là, de screening pour être sûr qu'au moins ils jouent vous à avez Magic. Mal fait puis, votre job. Il y a quelqu'un qui en a fait sa job. Et il se calisse. Et puis sinon, ben, moi, ça me tente de le savoir là. Est-ce que t'es plus buffet chaud ou buffet froid? Je suis plus buffet froid, je pense. Ah ouais? Ouais, hein? Ça m'écœure les buffets chauds un peu, je pense. Ça m'écœure. Ben, ça dépend. Ça fait combien de temps qu'il est sur la table? Ouais, mais les affaires qui restent à la chaleur pendant trop longtemps, ça m'écœure. Mais vite de même, je dirais buffet froid. Mais pas trempette. Trempette légumes, ça m'écœure parce qu'il y a du monde. Double dip. Là, je sens qu'il y a des double dippers ici parce que moi, ça m'écœure. Dès qu'il y a une assiette de trempette quelque part, je dis à tout le monde, pas de double dip, hein? Pourquoi t'es dédaigneuse? Ben non, pourquoi je suis dédaigneuse? Si je savais pourquoi, je serais sûrement plus. C'est vrai. Je suis dédaigneuse parce que le monde m'écœure. Non, mais... Ça m'a fait penser à la toune de C'est pathétique sur Cédrica Provencher qu'il chante dans la toune qu'il comprend pas pourquoi qu'on peut kidnapper un enfant comme ça. Mais tu sais, s'il comprenait, ça serait vraiment louche. Ben oui, ça serait vraiment weird qu'il comprenne. Non, mais je comprends ce qui peut mener quelqu'un à kidnapper un enfant à mener. C'est ça. Tout le monde est fatigué. God, il faut qu'on se parle. Et puis... Bruno, une question? Avant qu'on se lance dans... J'ai reçu des appels de job depuis tantôt, puis je leur écris. Il faut l'entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien. Ça va pas? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont besoin de moi. Ben, on va te laisser avec une heure par semaine. Puis ils sont plus qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais, je comprends. Panique. Si grosse panique. Non, ça va bien. Ils ont un téléphone rouge, puis ils décrochent, puis il y a le Bruno signal. Exactement. Genre des lunettes, pas de cheveux. Là. Le téléphone brun, sinon, effectivement. Est-ce que tu sais ce qu'on est à douteux.org? Est-ce que tu nous connais un petit peu? Là, c'est quoi là, la question piège? T'as-tu déjà joué à Magic? Tu sais-tu qu'est-ce qu'on est? Ben, je te demanderai pas des questions en fait, avec lesquelles t'as tout le temps de réponses déjà faites. Mais non, je vous connaissais pas du tout, mais je m'excuse, ça arrive. Ok, tu connais ma cousine, toi, Chris? Non, c'est correct, c'est bon, on s'en fout. Non, non, je te pose pas la question pour que t'aies l'air folle. Mon chum, ma douce moitié de sexe illégal, est venu ici puis il vous a trippé dessus ben raide. Hein. Fait que il a dit ouais, ils ont capoté ben raide, ils sont vraiment nice. Fait que vas-y. Puis moi, tout ce que mon chum m'a dit de faire, je le fais. Fait que non, mais tu sais. C'est ça la dévotion. Ouais, c'est ça le féminisme. Sinon, ben nous, à douteux.org, on essaie de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens. Et on n'y va pas en paternalisant, on y va en y allant de variété. Et ce soir, on a un VJ qui va nous présenter des affaires orientées sur les jeux vidéo et tout. Oui. Est-ce que tu es au courant qu'en Abitibi, en fait, au Québec, surtout, on a quand même une assez bonne culture de jeux vidéo? Oui, j'étais très au courant. Tu tiens au fait. Est-ce que tu es une joueuse de jeux vidéo? OK, là, ça va pas bien, là, ma présence à votre podcast, hein, parce que... Ben, au contraire! Non, tu réponds oui, tu réponds non, mais tu réponds ta part. Ben oui, c'est vrai, ça, merci. L'important, c'est participer. Il y a pas de bonne ou de mauvaise L'important, réponse. L'important, c'est participer. Ben, ouais. C'est comme dans l'impro, hein, il y a juste du faut oui. Faut dire oui, et... Ça. Alors, oui, je suis... Non, je joue vraiment pas... Je suis pas... Non, j'ai jamais développé ça, mais je dois dire qu'il y a deux semaines... On a ressorti Mario Kart au 64, puis j'ai torché tout le monde. Ça compte-tu? Ouais! Ça compte-tu? Ça compte-tu? Oui, ouais, OK, ouais. Puis la semaine prochaine... C'est qui, tout le monde? Tout le monde, c'est ça. C'était les gens qui habitent dans ma tête. C'est Bowser à Easy, là? C'était... Non. Hey, wow! On était à 100 cc. Il y avait mon ami, son chum, une autre de nos amis, puis j'ai torché tout le monde avec Peach. Fist bump. Ouais. Non, mais... Meilleure accélération. Ouais, pas super vraiment... top speed, par ouais. exemple. Merci beaucoup, Virginie. Merci. C'est un plaisir. On va se reparler au cours de l'émission. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui ne sont pas toutes la même personne, qui vont passer un en arrière de l'autre. On te laisse le micro. Si tu as des commentaires, gêne-toi pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ben, c'est ce que j'ai cru constater à date depuis que je suis arrivée ici. Moi aussi, je pense que j'aime mieux les buffets froids. Oui, OK. Toi, t'étais plus buffet chaud, tu croyais? Ou J'hésite. C'est pour ça que je pose la question. Je veux me faire une idée. Buffet chaud, je vois comme des egg rolls. C'est vrai. Mais moi, il y a l'affaire qui me fait triper, par contre. C'est quand il y a un morceau de viande gros comme un ballon de soccer, là. Puis qu'il coupe devant toi. Ah, oui. Oh, tabarnak! Hey! Moi, en tout cas, ça... Ça te fait quelque chose, hein? Jusque-là. Ah oui. Ah, c'est capoté. Mais tout se passe beaucoup dans ton poil. Ben... Nos chroniqueurs, cette semaine! Non, mais c'est parce que j'ai vraiment du poil partout. Ben, c'est sûr que ça... Moi, j'en ai à des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. C'est la puberté! Oui. Ben, merci d'être avec merci nous. Merci d'accueillir. Mesdames de deux folies et un banjo, s'il vous plaît, on va vers les nouvelles. S'il te plaît. Il n'y a pas eu d'explosion. Un homme de Market Drayton au Royaume-Uni était en retard pour le travail alors qu'une ambulance lui bloquait le chemin. L'homme impatient a décidé d'aller confronter les ambulanciers qui lui ont dit que l'ambulance serait là pour encore quelques minutes. Non content de cette réponse, le héros s'est alors dirigé vers l'intérieur de la dite ambulance afin de la tasser lui-même. L'homme a quitté les lieux avant que la police arrive. Une enquête a été ouverte. Eh ben. Aïe, aïe. En tout cas, il y a de la souffrance partout dans le monde. Let's go, next! En Floride, Daniel H. Jones conduisait un kart de golf de façon dangereuse dans un quartier de Key West alors qu'il a aperçu un coq. C'est tout ce dont il avait besoin pour décider d'écraser le dit coq avec son kart de golf. Le touriste du New Jersey s'est dirigé vers le coq qui a sauté sur le trottoir et le kart s'est renversé, éjectant Jones et ses deux passagers. On ne craint pas pour leur vie, l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Oh yeah! Mais c'est sûr! C'est 1-0 pour les animaux de la ferme. Là. Voilà. Ouais, mais c'est sûr, conduire un kart dangereusement, c'est juste dangereux pour la personne qui le conduit, c'est pas dangereux pour personne autour. Y a pas, on peut pas dire Et il me semble que ça se conduit sous, ça aussi. Genre de, un kart de golf, ça se conduit juste sous. C'est ça, genre. C'est la seule manière de conduire un kart de golf. Si t'es capable de le conduire quand t'as 8 ans, tu peux le conduire quand t'es sous, je pense. Comme un 4 roues! C'est ça. Puis le coq, ça peut être un stage hazard. Il pensait peut-être pogner genre une banane ou un champignon, hein, puis là-dessus, tu sais. Mario Kart! Ben oui! Yes! Je joue aux jeux vidéo! T'es tellement une experte! T'es une experte oui. En jeux vidéo, on vient de n'importe le n'importe quoi, des tortues vertes? Ouais! Ben, let's go! Oui, un cinéma en Alabama a refusé de diffuser la nouvelle adaptation de Beauty and the Beast de Disney parce que l'un de ses personnages est ouvertement gay. Malheureusement pour Carol Laney, la gérante du dit cinéma, le film qu'elle a programmé à sa place, intitulé Fierce, est un documentaire sur un festival international de drag queen au Texas. Ben oui, mais the fuck! Lainey affirme qu'elle croyait que le film était un drame fantastique Game of Thrones-esque parce que l'affiche montre une drag queen entourée de dragons. Le film a depuis été retiré de la programmation. Ah, c'est vraiment très drôle. Aïe, y'a n'importe quoi sauf des gays, y'a un documentaire. On dit pas que toutes les drag queens sont gays. Non. Mais non. Mais en même temps, il me semble que le pire dans La Belle et la Bête, c'est pas vraiment l'homosexualité, mais plutôt qu'une femme tombe en amour avec un animal. C'est le syndrome de Stockholm. Non, moi, je parle de bestialité. Je parle plus de bestialité. Aussi, c'est les deux. Oh non, je l'aime comme il est, ce chat-là. Ouais, mais c'est ça. Mais s'il est un humain, je le fourrais ben raide. Voyons, c'est quand même... On dirait que j'ai déjà entendu ça, par exemple. De quoi ça? Presque cette phrase-là dite par une fille. De... Mon chat, il est parfait. Si c'était un gars, je sortirais avec. Ah, oui? Ouais. Ah, mais ben, je m'excuse. Ben non, mais c'est correct. Ah, c'est, je parlais pas de moi, là. C'est ça. Merci beaucoup, c'était Bruno. C'était pas moi le chat dans cette histoire-là. Non, non. Mais ça se peut. Oh, vas-y, merci Bruno. Non, laisse c'est faire. Toi j'oublie la parenthèse. Pris. Non, mais on c'est parle, juste que là. J'ai. Non, mais ça arrive souvent que dans des couples, l'homme ait une certaine jalousie par rapport à l'animal de compagnie de sa blonde. C'est, ça arrive. Moi, j'ai une certaine allergie. Ouais, ben, es-tu ouais. Vraiment allergique ou c'est ton subconscient? Je pense que c'est un peu des deux. OK, merci Bruno. Hey! On y va! On passe au prochain chroniqueur. Ah, c'est Arnaud! C'est Arnaud! C'est Arnaud! Je m'entends. Bonsoir, c'est moi. Allô, Arnaud. J'explore les internets à cette heure. C'est plus juste Facebook parce que j'ai cliqué sur un lien. Ben oui, puis en plus, le dernier que t'as fait, ça a détruit quelque chose. Ben oui, c'est ça. Puis je me suis ramassé sur un site, mais ce site-là, il existe encore. À moins que, je sais pas. Quelle surprise! Tu nous as mais le dernier n'existait plus avant que j'embarque ici. Juste avant. Donc, oui, c'est ça. En me perdant sur Facebook, je me suis ramassé sur un lien qui me menait à occult.net, un site de témoignages de gens qui ont vu des choses complètement paranormales. Et j'espère que vous êtes prêts à avoir peur. O-C-C-U-L-T-E. Point net. Oui, oui, okay. Point net. On est recul en français. Là, on est dans l'onglet thème esprit. Oui, thème esprit. Mais T-E-M esprit au pluriel. Je sais pas c'est quoi. Ok, fait que c'est ça. On parle pas de secondaire fini. On parle d'occulte. Oui. Ouais, ben, occulte-nous en nous regardant dans les yeux. Donc, on a. Mais faut que je regarde aussi le nom. On va se faire occulter. Donc on a, ben en fait là c'est ça, on a des témoignages de gens sur ce site-là. Qui ont vu des fantômes. Ils ont, écoute, du paranormal. J'adore. Oh, tu vas en avoir. Yes. Ah, tu vas voir, c'est de qualité. J'adore les fantômes. Donc ces gens-là laissent leur email puis on peut leur répondre. Alors ce que j'ai fait moi c'est que je leur ai répondu. Alors, on a le premier, c'est de angie83@gmail.com, le 23 du 02 du 2016 à 16h06. Il y a bien du 6 là-dedans, du 2, c'est quelque chose à checker. Son pseudo s'appelle Flower, son prénom s'appelle Anne, sa ville s'appelle Paris, puis son pays s'appelle la France. Donc, l'histoire. Bonjour, j'ai 13 ans et depuis que j'ai déménagé, je fais des rêves sur des esprits, soit dans mon ancien appart ou dans mon nouveau. Quelques jours après le décès de mon papy, j'ai senti une main me toucher la cuisse. J'étais toujours dans mon ancien appart. Une copine a invoqué un esprit avec une pendule et la première question qu'elle a posée était « Lui veut du mal? » Il a répondu « Non, je veux lui dire au revoir, mais ce n'est pas très important. » Il a aussi sorti les mots « cuisse » qu'il m'avait touché, « jambe »,« chatouille »,« pied » et qui se trouvait seulement dans mon salon et sur mon balcon parce qu'il aime le froid sur mon balcon. Et je suis la seule dans ma famille qui fait des rêves comme ça. Je devrais m'inquiéter? Alors j'ai répondu « Bonjour, Flower. Montre-moi où ton papy t'a touché. » T'as pas le droit de dire ça à une fille de 13 ans. Oups. Donc, le deuxième est de Isabelle. J'ai pas eu de réponse. Tout était dit, hein. J'ai pas eu de réponse. Il y a personne qui m'a répondu d'ailleurs dans tous ces emails-là, Calis. Adapte, c'est vrai. Isabelle J à MSN.com, le 11 du 2 du 2016 à 18h33. Son pseudo, c'est Isa, puis son prénom aussi, c'est Isa. Vient de Lemuy en France. Et l'histoire. La femme de mon ami est décédée en 2011 dans sa maison, morte soudaine. Je ressens sa présence depuis plusieurs années, mais très souvent, lorsque mon ami n'est pas présent également, en cauchemar. C'est très mal écrit comme phrase. Cette présence me repousse, des fois violemment, et j'ai le sentiment qu'elle grandit en puissance au fil du temps. Je ne vais pratiquement plus dans cette maison. Mon ami me demande de combattre cette sensation et de m'imposer. J'ai essayé, mais cette force me montre qu'elle est très puissante et qu'elle ne veut pas de moi ni ma fille. Je ne suis pas adepte de ses croyances, mais j'ai besoin de comprendre. Merci de votre aide. Alors je lui ai répondu, « Bonjour Isa, jouis moins fort, tes voisins sont tannés. » Troisième, TheDarkBloom à yahoo.fr. Pseudo Maya, prénom Viviane, ville Marseille, pays France, bien sûr. L'histoire. Lorsque je suis seul chez moi, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Un jour, j'ai ressenti un courant d'air alors que le radiateur était allumé. Tout le monde a cette impression. Non. Elle a ressenti un courant d'air alors que le radiateur était allumé et que j'étais sous les couvertes. Si cela vous est déjà arrivé, je serais ravi d'en parler avec vous via mon adresse mail. Donc, ma réponse. Bonjour, Maya. Moi aussi, parfois, je ressens des courants d'air. Puisque j'ai lâché l'école pendant mon secondaire 2 pour me consacrer à la consommation de drogue avec mes amis au Parc Lavoie, je n'y connais rien au phénomène très explicable par la science. Je me résiste donc à me dire que ce sont des esprits maléfiques qui essaient de me toucher, mais que leurs mains passent à travers mon corps, puisque leurs corps font maintenant partie de la dimension de l'au-delà. J'ai accroché plusieurs gousses d'ail un peu partout dans mon appartement. Je sais que c'est pour les vampires, mais qui sait, peut-être aussi que c'est pour les spectres. Je sais pas, j'y connais rien. Bonne chance, Maya, Viviane. Bisous, Arnaud. Ah, PS, je viens de fermer mon ventilateur, tout est redevenu normal. C'est ça, donne-moi-en des nouvelles. Donc, on a maintenant Maya l'abeille 064 à gmail.com, pseudo Goudreau, prénom Maya. Donc, peut-être Maya Goudreau, on ne sait pas. Ville Boisbriand, Québec! Oh! Woo! L'histoire. Une journée, j'avais sorti de ma chambre et quand je me suis retourné, j'ai vu dans la chambre de ma mère un esprit très haut et elle voulait ou lui avait des cheveux longs frisés. Et quand je suis parti le dire à ma mère, elle aime, avait dit de quelqu'un à son travail, a vu la même home, mais avec un rave. R-A-I-V-E. Posséder. Aucune ponctuation jusqu'à date. Non, zéro encore. Même pas de point. À ça, ça, il y a quand même une leçon là-dedans. Là. Relisez-vous avant de poser ça. Donc, ma réponse. Sup, good. Ton histoire d'hostie de pas clair me donne l'impression que t'es juste une folle en manque d'attention, mais je dis ça, je dis rien. Bisous, Arnaud. Oh, oh. T'as été méchant. Oh, ouais, non, j'étais fâché, celle-là, j'étais en crise. Ah, c'est pas forcé non plus. C'est ça, j'avoue ça. Pas de petit effort. T'en as une petite dernière? Fucking pas clair. Oui, une petite dernière. C'est bon. Stardust.1 à hotmail.com, pseudo Daniel, prénom Jackie. Pas mal sûr que c'est mélangé. Ville Mont-Tremblant, Canada! Yeah, Jackie Daniel. Oh, yeah. L'histoire. J'ai loué une maison de 50 ans et j'y ai couché pour la première fois hier soir. J'ai entendu des portes ouvrir, j'ai entendu quelqu'un respirer et des pas de chien. Un Indien a été retrouvé mort dans sa voiture il y a une vingtaine d'années, dans son auto près de la maison. Il y habitait. Et son chien était aussi mort dans un sac près de lui dans son auto. Cet après-midi, j'ai entendu des « ouh, ouh, ouh » comme une chute dans la maison. SVP, j'ai besoin de votre aide pour qu'il s'en aille. Ma réponse, cher Jackie alias Daniel, holy shit, c'est définitif, ta maison est hantée, brûle toute. Merci Arnaud. Merci Arnaud, Arnaud. Mesdames, messieurs. C'est rendu notre nouveau spécialiste en paranormal, donc suivez-le sur Facebook et n'hésitez pas à lui poser vos questions pour des affaires de fantômes. On aime ça, nous, ces affaires-là. Je crois ça, fantôme. T'as-tu déjà eu une expérience paranormale? Plusieurs. Plusieurs expériences. À un moment donné, j'ai tout le temps de compter ça. Ouais, ouais, ben... Hey, Arnaud va peut-être avoir une réponse j'avais pour toi. 15 ans. Ben, j'avais 15 ans, maison. Non, j'essaie de répéter la syntaxe dégueulasse du dernier message. Mais, maison chaude. Non, mais j'avais 15 ans, je regardais Angel. Ouais, merci, Buffy. Buffy the Vampire Slayer, le spin-off Angel. Et le spin-off vaut la peine. Avec la blonde de Ben Affleck. Avec la blonde de Ben Affleck. Ouais, ça a déjà été ça. Hein. Non, ça c'est Alias. Ouais, non, c'est faux. C'est totalement... Yo! Ok, j'ai jamais joué à Magic, mais j'ai connu mes références. Angel. Puis, je regarde Angel, puis là, j'habitais chez mon grand-père à l'époque. J'habitais chez mon grand-père dans une maison qui avait connu deux décès. Et puis là, je regarde mon Angel, et le foyer électrique, somme toute, part seul. Le foyer part seul! Et là, je fais comme... J'ai pas peur. J'avais 15 ans, là, OK? J'ai pas peur de vous. Je veux juste écouter mon émission. Pi. Mais là... Bruno est pas convaincu. Mais tu sais, là, je remonte me coucher, puis je vais voir ma mère, je fais « Maman, j'ai vraiment peur, mais j'écoutais Angel dans le salon, puis le foyer est parti seul. » Puis elle fait « Mais oui, c'est normal, c'est parce que quand le thermostat à 20, s'il fait pas 20, non, sinon. » Mais moi, j'ai quand même vécu un moment où j'ai 15 ans, je fais « J'ai pas peur de vous. » Fait que là, ta mère... J'essaie juste d'écouter mon émission. Après, je vais me coucher, tu sais, mais... Ouais, fait que ta mère vient de nous apprendre que le thermostat est possédé. Ben, non. Soit ça, ou soit la maison comprend qu'il faut qu'elle chauffe quand il fait pas 20, tel qu'indiqué sur le thermostat, c'est ça. On va en reparler de ça. J'ai hâte. On va en reparler. On est prêts pour le prochain, s'il vous plaît. Qu'on on a hâte de voir, ça fait longtemps. Je suis low-tech. Ben oui. Moi, je suis vraiment low-tech, en fait. Tout le monde traîne son maudit téléphone, moi, je traîne encore du comme papier. Comme Gandalf. Ouais. T'es comme Gandalf. Ah ouais. Là, moi, d'habitude, je parle super fort. Fait que si je me recule du micro, c'est à cause de ça. Deuxièmement, Virginie, moi, j'ai pas de poils. Super, je me rase pas, c'est juste la main. Il y en avait un petit peu autour des mamelons, par ouais, contre. Ouais, ah ouais, tu vas les revoir. Comme un oasis de rébellion là, dans une poitrine vide. Il y en a plus bas, mais ça, c'est pas de tes affaires. Ah non? Tout le monde a du poil partout. Ok, bye, vas-y, c'est quoi ta chronique? C'est quoi ta chronique, okay. Luc? Hey, moi, je vais faire la chronique, tu sais, la chronique intelligente, en fait, je vais. Si vous allez voir, moi, je vais faire le social, OK? Alors, on va rajuster ça, tu vas voir. Et voilà. Donc, on va commencer par une affaire. Y a-tu des Québécois dans la salle? Yeah! Est-ce qu'il y a des êtres humains? Ouais! Y a-tu des immigrants? Ouais! Ah, je suis désolé, mais j'ai un spot qui m'éclaire. Je t'ai pas vu à la face, mais salut. Notre public est blanc, pareil. Dude, man, t'as raté ton marketing parce que t'es pas vraiment représentatif de la société en général. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je viens de l'Abitibi, je suis peut-être un immigrant. Ouais, t'as peur, tu vas voir ton Abitibi à manger une volée. En fait, moi, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Luc. Puis, je suis venu ici vous parler du vrai bon Québécois. C'est super simple, en fait. Moi, je suis un vrai bon Québécois. Moi, je suis né à Rimouski. Ouais! Est-ce que y a du monde? C'est si, au Rimouski? Ouais. Qui c'est qui vient de Rimouski? Ouais. Oh yeah! Si je vais faire des. À monter, je sais de vous faire des high five. Qui c'est qui sait pas c'est où Rimouski? Ouais! Ok. Hey, t'es tout seul en maudit. Même on l'expliquer pour toi. Puis toi, tu vas manger une varlope. Okay? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Rimouski, c'est un peu comme Val d'Or. Ok? Ouais. Tu sais, Val d'Or, c'est 6 heures par là. Puis vraiment par là, parce que tu sais, Delrémy est là. Fait que Val d'Or, c'est 6 heures par là. Rimouski, c'est 6 heures par là. 5h30, oh, là. Attends. Avec un arrêt pipi pour les mesdames, ça fait 6h. On va dire 5h45 parce qu'ils ont rendu à 20 jusqu'à 3 pistoles. OK? Wouhou! Ça arrête encore à la fromagerie des Basques. Fait que... Tu sais, Val-d'Or, c'est un esti trou par là. Rimouski, c'est un esti trou par là. Val-d'Or, c'est dans le fond de la forêt. Ben, Rimouski, c'est sur le bord de l'eau. Ça arrête à peu près là, en fait. Il y a une autre chose qu'il faut que tu te dises. À Rimouski et à Val-d'Or, il y a full le cash puis il y a full le BS. Mais... Rimouski va toujours gagner mon cœur parce que c'est sur le bord de l'eau. Puis aussi, parce que je suis jamais allé à Val-d'Or, fait que Val-d'Or n'aura jamais mon vote. C'est sur le bord de la mine. C'est le bord de la mine, c'est ça. C'est beau, ça. Flotte la mine, là. Remplis la mine d'eau, là. Beau donc, trou, peut-être, là. Ouais, tu vas peut-être avoir une chance. Ouais, peut-être. OK. Fait que moi, je suis né à Rimouski. J'ai 35 ans. Puis, il y a 35 ans de ça, naissait un petit être au centre hospitalier régional de Rimouski. OK? C'était moi. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis un vrai bon Québécois. Tu sais? Hey, pourquoi tu tousses? Parce que tu penses que je suis pas un Québécois? Tu vas voir. Tu vas voir ma grande, OK? Il te manquait un peu de poil, peut-être, là, mais... C'est correct, continue. Mais tu as du poil, toi? Chris, oui. Est-ce que tu checkes ta tête? J'a-check. Je suis pas loin de toi. J'a-check tout le temps. T'es assez loin de lui pour que t'aies pas à t'inquiéter. Let's go, continue. Fait que, anyway, moi, en tant que vrai bon Québécois, mes parents ont toujours trouvé ça vraiment important de m'apprendre mes racines. Fait que mon père, lui, il a dit, il a pris le côté homme, on va dire, de ça, puis il a dit, tu sais, un Québécois, ça a des racines de bûcheron, ça a des racines d'agriculteur, ça a des racines de coureur des bois. Fait que mon père, à un moment donné, m'a donné une hache, puis il m'a montré comment bûcher un arbre de 20 pouces en à peu près 3 minutes, puis le nettoyer pour en faire, tu sais, puis le chopper pour en faire des cordes de bois, tu sais. Puis après ça, mon père, il m'a dit, m'a t'apprendre à chasser, m'a t'apprendre à pêcher, comme ça, c'est une crise de verglas, comme il y a déjà eu, tu vas être capable de nourrir ta famille. Tu sais, mon père, il m'a appris à travailler la terre. Non? Fait qu'on a eu un jardin, puis moi, je l'ai aidé à faire le jardin. Fait que j'ai su mes racines, tu sais. Ma mère, elle s'est toujours occupée du côté un petit peu plus, on va dire, girly, tu sais. Fait qu'elle s'est occupée de la bouffe, puis la langue française. Fait que quand j'allais chasser avec mon père... Puis mes frères, parce que moi, je suis le Benjamin de trois gars. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Benjamin, c'est le chum du milieu, là. Fait que j'avais un plus grand frère, puis un plus petit frère. Le plus petit frère a plus l'air du grand frère que du grand frère, fait que je mangeais des volets des deux côtés. OK? Parce que je suis le tirabougri de la famille, je suis désolé. Fait que... Hey. Au moins, tu t'excuses. Ouais. Je m'excuse de m'avoir mangé les volets. Ouais, c'est ça. De mes deux frères. Fait que, On les salue. Bah, moi, je les salue aussi. Ah oui, bah ouais. Oui. Fait que, tu sais, ma mère, elle, elle a toujours trouvé ça important de, quand nous, on revenait avec de la bouffe, de nous la cuisiner. Tu sais, fait que si je ramenais un lapin ou une perdrix ou un poisson, tu sais, ma mère, elle nous apprenait comment le nettoyer, comment le cuisiner. Parce que, tu sais, au Québec, il n'y a pas juste steak, bledin de patate, toutes ces formes possibles, genre, soit en pâté chinois, soit en deux croûtes de pâte ou dans le four en roast beef avec des patates puis du bledin dans le side. Tu sais, money, tu t'écœures. Fait que ma mère, elle nous a appris à cuisiner. Puis aussi, ma mère, elle m'a botté le cul en quantité industrielle pour que j'apprenne les racines de ma langue, donc la langue française. Puis ça a tellement bien marché que j'ai encore des bleus sur le cul aujourd'hui. Puis c'est ce qui fait que à l'examen du ministère, ben j'ai scoré un A+, en sachant faire la différence entre un SA et un CCDA. Entre un SES, CES, C'est apostrophe EST, puis S apostrophe ST. Fait qu'Arnaud, ton asti de moron, là, qui est pas capable d'écrire comme il faut, là, tu me l'enverras, m'a réglé son maudit problème. OK? À date, il y a juste ton père qui te donnait pas des volets, là. Ah, c'est parce que t'as pas vu la cuillère de bois. Ben, maman, avec sa brosse à Rimouski, là. Hey! Quand t'as trois gars dans la maison, ça prend une cuillère de bois pour en calmer au moins un sur trois. OK? Fait que, tu sais, quand ça tourne, tu sais, les vieilles maisons des 70, c'est une cage d'escalier, là. T'as trois gars qui courent en rond autour de la cage d'escalier, là. T'as ton père qui a sa cuillère de bois puis qui se cache en l'air d'un mur, puis le premier qui passe, FAKAO! Ben, c'est ça. OK? C'était souvent moi parce qu'il y avait deux autres frères plus gros que moi qui me couraient après. C'est ça qui est ça. OK? Au moins, hey, je suis pas un enfant battu! OK? Je comprends pourquoi ton poil a peur de sortir. Ben, je l'ai eu un petit peu ses fesses pour amortir les claques à la longue. Tu sais, à 16 ans, à l'école, c'est comme le poil, t'en as plein de cul, c'est ça qu'ils disent? Montre-nous! Non, c'est juste pas vrai. C'est une blague. Des pas game, là? On n'a pas le temps. C'est vrai. Okay. Tu sais, moi, en fait, en tant que super bon Québécois, je suis blanc. Puis je suis blanc en sacrement. Je me couche dans la neige, esti, puis on me voit même pas. Pis je suis plus blanc que les dents à Boucard Diouf quand il sourit dans la rue pour pas se faire fesser dessus par un char. Oh! Hein? Là-dessus, Boucard, c'est un chum à moi, by the way. On vient de Rimouski, on est étudiants ensemble, on est à l'université ensemble. Fait que check tes droits d'auteur. Si j'ai volé cette joke-là, il risque peut-être de me poursuivre pour ça. Appelle ton avocat, les droits de diffusion. Fait que, tu sais, moi je suis blanc, pis je te l'ai prouvé, check, je suis blanc, j'ai même pas de poêle. Blanc, là, blanc. Enlève-le ton t-shirt, ça va être facile. Ouais, c'est un t-shirt de loup post-moderne, reviens-en. Hey, j'avoue! Ah, ben oui, c'est beau. Si je vais le garder, il est plus beau que mon chest, pas de poils. Fait que, tu sais, moi je suis blanc, mais en réalité, c'est pas vrai, je suis pas juste blanc, je suis rouge aussi. C'est rouge, genre blanc, rouge, Canada. Non, c'est parce qu'il y a deux températures au Québec, il y a l'hiver et il y a l'été. Puis en hiver, t'apprends à démarrer ton char, puis je suis blanc comme la neige. Puis en été, je tosse comme un homard, puis je bronze pas. Fait que blanc puis rouge, OK? Fait que, là, à partir de là, moi, là, je suis un blanc qui est né à Rimouski, qui a appris sa langue française, qui a appris comment être un bon bûcheron, OK? Est-ce qu'il y en a ici qui sont des aussi bons Québécois que moi? Non! Jamais! Définis Québécois. Hein? Non. Tu connais-tu tes racines de Québécois, toi? Ben... Tu es capable de bûcher un arbre? Ouais. Est-ce que c'est foncièrement québécois, ça? Ouais, c'est ça. Non! Non, ben, c'est une grosse discussion, mais je comprends la vraie où tu veux aller. Tu prends le statut stéréotype du Québécois et t'essaies de le challenger avec la situation d'enfant battu. Je suis dans l'administration, dans la communication, puis je suis businessman, puis je suis danseur professionnel, by the way. C'est vrai, ça. Mon Dieu. Non, mais le plus Québécois que j'ai vu, toi, c'est à quel point tu répètes que t'es Québécois. Ça, c'est très Québécois. Ça, en général, ça fonctionne bien. Quand on le dit beaucoup, puis plus fort que les autres, en général, c'est parce qu'on a plus raison. Puis quand t'applaudis quand l'avion atterrit. Ça, c'est très québécois. Ouais. Ça, en fait... Non, il a jamais pris l'avion. Ça, c'est québécois. Je pourrais dire, en fait, il n'y a rien de plus rimousquois que pas sortir de Rimouski. Oh! Ouais, je suis un peu méchant. Ça fait quoi de toi? Hein? Ça fait quoi de toi, de bord? Ben, en fait, je vous ai un petit peu menti. Je suis un super bon québécois parce que je connais ma langue française, je connais mes racines. Mais en fait, mon nom de famille, c'est Osmani. Mon nom complet, c'est Rami Luc Osmani. Mon père, c'est un Libanais musulman qui m'a appris que c'était important de pouvoir te rappeler de tes racines, de où t'es né. Puis ma mère, elle, c'est une Acadienne du Nouveau-Brunswick qui était prof d'anglais. se sont rencontrés sur Tinder, là. Non, à Moncton, en fait. À Saint-Valentin, pour être cheesy. Oh, c'est cute. Fait que t'as-tu fini ton affaire? Tu nous as menti, là, tout le long. Ben, il nous a... Ah, il nous a dit la vérité. Il nous a mené en bateau, en tout cas. Il nous a dit une autre vérité que celle à laquelle tu t'attendais. Une autre vérité. Merci. Hein. Fait que là, dans le fond, tu nous invites à regarder le Québécois dans les yeux, dans le miroir, ce soir. Pis, en fait, je veux vraiment venir vous dire pourquoi je suis venu vous dire ça aujourd'hui. Puis ça, c'est mon côté social. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de politique pendant que j'étais à Rimouski. C'est là, d'ailleurs, que j'ai connu Boucard Diouf. Quand il y a eu les attentats à Québec il n'y a pas longtemps, tu sais, Tommy puis moi, ça va faire quoi? Je suis venu ici il y a 3 ans, 2 ans et demi à peu près. 2 ans, ouais. 2 ans environ. Puis on a tout le temps continué à discuter. Puis à un moment donné, il y a eu les attentats à Québec. Puis là, il m'a dit, tu sais, ça fait un an qu'il me pose dans le cul. Puis là, il dit, tu t'en viens-tu faire une affaire? Puis j'ai dit, il m'a faire de quoi de social? Si tu habites au Québec, puis tu es un Québécois, puis tu es capable de connaître ta langue, puis tes racines, puis tes affaires comme ça, c'est pas parce que tu viens d'un autre pays que tu es moins Québécois que quelqu'un d'autre. Ça, c'est très vrai, c'est ça. Merci. Merci, Luc Osmani. Rémi Osmani, pas de poils, tu sais. Pas de poils. Yeah! Pour marquer aussi la force. Chandail de loup postmoderne. Pour marquer aussi la force de son pardon, hein. Il parlait des bleus et des volets qu'il a reçus de sa famille en riant. Ça, c'est quand même pas pire, ça. Mais oui, mais c'est un mécanisme de défense. Ça se peut. Mais il a l'air fort et solide. On va il le souhaiter. Souffre dans le fond, Tommy. Oui, c'est ça. Il tout souffre. Le monde fait ça. Je me faisais frapper. On arrête de rire parce que sinon, on l'encourage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci, bon, ben, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Oui. Banjo. Personnalisé. Merci, wow. Salut, Johnny Publicité. Salut, ça va bien? Ben oui, certain, tu viens nous parler de... Ben, aujourd'hui, j'ai préparé un petit quiz, mais avant tout, je tiens à montrer ce magnifique... Montrer la caméra, là, peut-être que ça marchera pas, là, vu que tu l'as pas à la hauteur d'homme. Ah, oui, là. Ouais. C'est bon, c'est bon. T'as un beau t-shirt de la Molson Grand Nord. T-shirt de la Molson Grand Nord. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était la pub interactive... qui te permettait de voter pour la pub que tu voulais voir. Il donnait le choix entre... Donc vous êtes le héros, genre. Ouais, c'était une pub, exactement. Moi, donc... je me rappelle de cette pub-là qu'il y a eu un volet à un moment donné que Jean-Marc Parent avait insisté pour qu'on n'aille pas à la publicité et on avait regardé la publicité avec lui qui était assis sur le stage qui regardait la publicité diffusée. Donc on n'avait jamais arrêté d'être à l'heure JMP pour la publicité parce que la publicité était diffusée pendant l'heure JMP qui regardait la publicité. Wow. C'est une des moins bonnes idées que j'ai vues à TV de toute ma vie. D'ailleurs, dans l'heure JMP... Tu faisais l'heure JMP? En général. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai entendu en tabarnak. D'ailleurs, dans l'heure JMP, il y avait une grosse horloge de Molson Grand Nord. Si jamais quelqu'un me trouve ça, ça serait super beau dans ma cuisine. On est là-dessus. Vas-y pour le quiz. Alors, on y va pour le quiz. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ici à 70%. C'est des slogans publicitaires et il faut trouver c'est quoi la compagnie qui a fait ça. Mais là, on participe-tu, là, nous autres? Ah, oui, ben oui. On participe, là, nous autres. Oui, on participe. Tabarnak. Et en fait, on va te laisser la première réponse. T'es-tu malade, toi, Chris? on va commencer par une facile. Pour l'amateur de fruits de mer en vous. Ben oui, mais là, on vient de te le souffler. Je pensais que ça continuait. C'est Red Lobster. C'est Red Lobster, mais... Oui, mais c'était sûr. Mais je veux dire, pour l'amateur, c'est pour l'amateur de fruits de mer en vous. Ben, ça peut être, mettons, le mari de la sagouine. Oh, fallait faire une blague. Ben, je comprends pas votre soirée. Fallait juste dire la vraie réponse. Je comprends plus rien. Ok, c'était Red Lobster. On peut faire une blague parce que on peut répondre n'importe quoi aussi parce que dans le fond. D'habitude, c'est mon pénis qui revient tout le temps. Ouais, okay. Mais parce que mon pénis s'applique à tous les slogans. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Oui, c'est vrai. Ah, pour les amateurs de fruits dégueulasses! Voilà! Hein, viens de la pognée, hein? C'est ça, mais check bien, elle marche avec tout. Ouais, ok. On va regarder ça. Prochain slogan, ça met du piquant. Hein? En pénis! Hein? Ça. Ok, ça met du piquant. ça met du piquant. Mais là, faut te dire la vraie réponse pour faire une joke. Moi, j'essaie d'en trouver une aussi. Ce que tu veux. Tu peux essayer de devenir. Il y a quelqu'un qui dit Tabasco. Fourré dans la tête. Tabasco, c'est une bonne réponse. Tabasco, c'est pas loin, c'est Clamato-Motte. Ah. Dans le temps que Marc-André Coallier faisait des pubs de Clamato Motte. Il nous montrait comment faire un Virgin Caesar. Il montrait, ouais, puis il allait faire. Il allait offrir du Clamato Motte rafraîchissant après une partie de tennis avec Bob Gainé. Mais là, je veux la voir. Il y a lui qui s'en rappelle, on s'en bon crée. Jus de palourde. Let's go next. Oui. Ouais, je vais te l'envoyer si tu veux. Ok. C'est au Québec que ça se gagne. C'est au Québec que ça se gagne. L'Automax. C'était pas loin. Mon pénis. Mon pénis. Ouais. C'est au Québec que ça se gagne. C'est une bonne réponse. Non, en fait, c'est le Select 42. Et moi, ouais, c'est un vieux gars de loterie. C'est pas, c'est juste au Québec que ça se gagne. C'est juste au Québec que. Je peux pas m'ostiner avec toi qui est supposé être un spécialiste. Ouais, fais attention. Ouais, s'il y a une des affaires que je regrette de la fois que j'ai rencontré Marina Orsini, c'est de ne pas lui avoir parlé des pubs de Select 42. Ça, puis de ne pas y avoir parlé de la scène des chevaux qui fourrent dans les filles de Caleb. Ça, c'est sûr. Dans quel cadre t'as rencontré Marina Orsini? Quand je suis allé aux Journées de la culture, dans le sous-sol, dans les décors de Radio-Canada. J'espérais que t'avais fait partie du public de Marina. ben, t'es pas loin, c'était dans ce... Oui, c'était dans ce bout-là. C'était presque ça. prochain slogan, parce que tout est dans le style. L'aubainerie? L'aubainerie. En fait, c'est une compagnie. Hein? Grotto. En fait, c'est une. Ouais. Ben, c'est une autre compagnie. Ouais. C'est une autre compagnie qui a disparu, c'est Simpson. Ah. Il y avait des annonces avec Céline Dion et. Ouais. Nichols et Simpson. Céline Dion a fait beaucoup trop de publicité. Oh, bon. Elle était pas au courant de son talent. Quelle surprise. Il y a eu une période dans la vie de Céline Dion où elle avait besoin d'argent pour gagner sa vie. quand on parle poulet... C'est drôle, mon pénis, on dirait qu'elle a du loin, celle-là. Ah, c'est surprenant! C'est là. Oh. Non, mais c'est sûr que c'est... C'est une des pires campagnes publicitaires ever, c'était PFK. PFK. Il y avait le stick chauve de tabarnak, là. Il était tombé sur le livre de la recette de PFK à un moment donné, puis là, il nous lançait tous les secrets, mais tu sais, hey, ta gueule, Chris, on comprend pas, là. À un moment donné, il y avait des comédiens professionnels qui faisaient des pop-pop-pop devant la caméra. On l'a revu dans plein d'affaires, après. Il est venu souvent. Pour toujours un membre de votre famille. Bon, là, oui. Là, oui, par exemple. Mon pénis? Ben oui. Ben, mon pénis, c'est partie de ma famille, là. C'est un membre aussi. Ouais. Mes bras aussi, puis mes jambes. Essaye pas de détourner la conversation. C'était-tu Jean Coutu avant, on trouve de tout mais un ami? Non, c'était Catelli, c'était les pâtes. Ah oh, ouais, je comprends. On a toutes les nouilles dans notre famille. Oh! mon pénis! J'avais préparé celle-là. Juste un petit deux, juste pour nous deux. Juste un petit deux, juste pour ça, nous ça deux. Ça a l'air d'être la quotidienne, là, l'extra, là. C'était pas loin. C'était gratteux. C'était l'Inter Plus, ou l'Inter tout court, en fait. Ça, si quelqu'un l'avait eu, je pense que... On l'aurait sorti de la salle. Juste un petit deux. Juste un petit deux, c'est un petit pénis, genre. Tous ces slogans que vous connaissez pas sont tous disponibles dans les pubs que je publie sur YouTube. Yeah. Votre meilleure résolution. Mon pénis. Votre meilleure résolution, ça doit être un gym, là, je sais pas trop. En fait, c'est Célébration 92. Hey, toute la loterie des affaires. Hey. C'est vraiment pas la meilleure résolution, Célébration 92. Arrêtez de jouer, dans le fond, c'est votre meilleure résolution. Dépensez tout votre budget de loterie au début de l'année. J'aime mieux mon pénis. Ok. Moi aussi j'aime mieux mon pénis. Moi je peux, ben je sais pas. Numéro 9, une fiesta de saveurs. Une fiesta de. Une fiesta de saveurs. Bon. Pour une fois c'est pas de la loterie. Non mais c'est pas mon pénis non plus. Old El Paso. Old El Paso. Tostitos. Pas loin, c'est les restaurants chichi, les restaurants mexicains. Bon, mais on savait que c'était pas ça. Qui existe plus. Hein. Ouais, ouais, c'est une affaire dark, de geek, de... Ah ouais, il y a un autre, là. Une petite dernière, la 50, c'est la 50. Mon pénis. Ça marche pas, ça marche pas, là. La 50, moi, j'irais pour la bat 50. C'est la bat 50. Ouais! Ouais! voulais qu'il y en ait une plus facile que d'autres. Ben oui, il était temps. Mais j'en veux plein d'autres. L'Inter Plus. Ben tu iras le suivre, c'est Johnny Publicité sur YouTube. JohnnyPublicité.com. Oh, oui, ben, en fait, .com, ça n'existe plus, mais j'ai mon compte YouTube. Va t'asseoir. Ouais, je vais aller. Merci, Johnny. Johnny Publicité, mesdames, messieurs. Johnny Publicité. Et parlant de publicité, ça m'amène à vous parler d'un message de quelque chose de vraiment important qui nous tient à cœur à douteux.org. Comme à chaque mois de marche, ça me fait plaisir de vous rappeler à tous qu'on vit du gel, du dégel. Les escaliers sont dangereux en permanence durant l'année, mais peut-être encore plus pendant le mois de marche. Et c'est donc pour ça que je vous rappelle, avant d'entendre une petite chanson de mise, en fait, de prise de conscience de nos amis les deux folles et un banjo, que faire attention dans les escaliers, ça marche. Faites attention. Hein. Mesdames, s'il vous plaît. On est là pour vous parler du mois de marche. Oh yeah! Brouhaha, t'es là? Ouais! Yeah! L'hiver comme l'été au printemps, yeah! Les escaliers, faut faire attention. Les escaliers, hein, ils sont pas nos alliés. Faut pas sous-estimer, il faut même s'en méfier. Si leur première fonction est dépasser les plafonds, elles sont l'âme de fond de la destruction. Destruction! Le mois de marche en prévention. Relève le défi. Fais-toi-en des amis. Le mois de marche en prévention. Je me rappelle ce jour de fête et ce cadeau que j'apportais. Le crémage était épris. J'arrive en haut des marches. Pour vous parler dans ma démarche, j'ai perdu ma fierté en déboulant les escaliers. Coulait sur mon visage comme le glaçage au fromage. Et toi tu riais et tout le monde riait. J'ai eu l'air con. Ménage le risque. Relève le défi. Ménage le risque. Mets-toi-en des amis. Ménage le risque. Le mois de marche en prévention. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et je garde pied. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et me garde hors de danger. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Faire attention dans les escaliers. Faire attention. Yeah. Faire attention. Le mois de marche en prévention. Yeah. Justement, merci beaucoup les deux folles. On rit, on a du plaisir, mais hein, tout le monde a déjà vécu une histoire d'horreur dans les escaliers. Est-ce que t'en as une, toi, qui te vient comme ça? D'horreur dans les escaliers. Tu veux dire croiser quelqu'un de dégueulasse? Ouais, une histoire de fantôme dans des marches. Ou quand tu t'es fait mal. Ou quand t'as vu quelqu'un que t'aimais se faire mal dans des marches. Ça arrive. J'ai déboulé les escaliers à maintes reprises dans ma vie. C'est comme une habitude. Est-ce que tu trouves qu'on se le rappelle assez souvent de faire attention dans les escaliers? Parce que moi, chaque fois... On devrait le faire plus souvent. Ben, non. Veux-tu qu'on te laisse une seconde pour que je ne pas te piéger avec ça? Ben, non, mais c'est particulier. Est-ce qu'on devrait Est-ce qu'on devrait se le rappeler plus souvent de faire attention dans les escaliers ou on se le rappelle mais assez parce souvent? Que moi, personnellement, chaque fois que j'entreprends de descendre un escalier, j'ai une vision d'horreur dans laquelle je déboule. T'envisages le risque. Oui, je m'imagine débouler l'escalier. Surtout quand c'est des escaliers comme en béton. Tu sais, ça, si je me vois, je visualise toujours le pire. Puis j'ai déjà déboulé les escaliers quand j'avais comme 5 ans. Puis je me rappelle que toutes mes couleurs faisaient ça. Je voyais plus les bonnes couleurs. Et voilà. Je voyais plus les bonnes couleurs. Mais est-ce que tu es sûr que c'est replacé, ça? Oui. OK, c'est bon. Parce que je pense. J'ai-tu l'air de ne pas voir mes couleurs comme il faut? Non, mais c'est parce que si à toutes les fois que tu vois du rouge, tu vois du vert, ça change rien, genre, non, pour les autres. Non, c'était pas que c'était pas la bonne couleur, c'était qu'il buzzait comme quand tu essayes d'écouter un poste qui n'existe pas. Ah, comme un film de cul. Exactement, qui, ça buzzait même. Mais est-ce qu'on devrait plus souvent se le rappeler que les escaliers? T'es encore là-dessus! Mais regarde, on te laisse du temps pour y penser, on va passer au prochain chroniqueur. OK? On s'en va au prochain chroniqueur, mesdames. C'est pas une vraie question. C'est important. Très important. Et papa de la balle, salut Coralie! Allô Tommy! Hey, ça va être ta fête! Ça va être ma fête! En même temps que la sienne! C'est capoté! Le 23 mars? Ouais! Ouais, bonne fête! c'est, j'en doutais que moi et Tommy, on était... On est connectés par les liens sacrés de, la... De l'anniversaire. Oui. Hey! Ah, en passant, tu peux aller voir les Power Rangers en date avec moi? Je sais pas. Je vais voir. Allez, OK! Ben moi, je vais pas au cinéma, puis on s'en reparle. OK, on s'en reparle. On s'en reparle. Salut Tommy. Salut Coralie. J'ai réalisé tantôt que ici c'était comme mon safe space. Ah ouais, hein? Je peux vraiment dire comme ce que je veux, on me juge pas. Pas. Okay. Cas, on voilà! Wow, bon, tu me le dis pas de même. D'habitude. Ok, c'est bon, je vais te le dire tantôt. Mais c'est pas mal de juger, c'est qu'il faut pas penser que son jugement est définitif. Ben moi, la question des escaliers, je juge que c'est une mauvaise question. C'est correct, peut-être que tu vas y aller. C'est pas la question des escaliers. On en reparle. On en reparle. Ben écoute, je profite de ce moment de confusion pour bien honnêtement, faut vraiment que je me confie aujourd'hui. Vraiment, je me confie. Asti que j'haïs le monde sous. Ah ouais, hein? Comme vraiment beaucoup. Ah non, mais tu vois, on dirait qu'il me suit partout. Ça me suit dans les bars, dans les clubs, à la Saint-Jean. Comme les gens sous sont partout. Wow. Mais non, mais sérieux, c'est parce que j'haïs les gens sous. Puis là, parce qu'ils viennent toujours à ma job, genre. Puis là, les gens sont comme, oui, mais là, t'avais juste à pas travailler dans un bar. Puis je suis comme, oui, mais ça avait juste à pas être aussi payant. Mais bon, je dis que je travaille dans un bar, Tommy, mais c'est pas vrai. On s'est vu là, je travaille aux Brasseries des Patriotes, mais c'est pas vrai, c'est pas une brasserie, c'est une garderie. Pour vrai, genre, le monde sous, ça devient des enfants, ça crie, ça braille, puis y a plus personne qui s'est attaché ses souliers. Comme, c'est rochant. Puis y a pas moyen de leur laisser, genre, une bougie sur leur table pendant 5 minutes jusqu'à temps qu'ils en renversent partout, puis qu'ils mettent de la cire partout, puis qu'ils font une sculpture de pénis avec. Garderie. Je savais pas si c'était pour brûler, là. Je savais pas si c'était décoratif. Oui. T'as un commentaire là-dessus? T'as-tu fait ça, Patriote? Ben, moi, je joue un petit peu avec la cire, des chandelles, mais j'en mets sur mes bouts de doigts. OK, mais pas sur la table, avant. D'accord. Puis pour vrai, les gens sous, ils pensent, je pense qu'ils pensent que les barmaids puis les barman sont des magiciens. Oui. Les gens font juste, ils pensent que je lis dans leurs pensées, ils sont comme, je vais te prendre une bière. Comme dans les films. Mais comme dans les films, puis là, tu fais comme une pinte, un pichet, un verre, un shot, en tout cas. Vraiment. Un shot de bière. La serveuse a trouvé ça drôle, là. Puis pour vrai, juste, je vais te prendre une bière, c'est vraiment la pire devinette de marde. Je pense qu'elle prend la première place de devinette de marde devant la devinette « Quel est le pays le plus dynamique du monde? » Le Yémen! Et imagine... Prendre juste une bière at large, c'est pire que cette devinette-là. Ouais, ouais, je crois, ouais. C'est vraiment intense. Mais ça, en fait, je maintiens, je suis sûr que c'est les films qui nous ont éduqués à faire ça, là. À juste faire une bière. Ben ouais, les virils, ils rentrent dans le bar, puis ils disent une bière et un whisky. Puis là, le gars, il y amène, là, tu sais. Comme s'il n'y avait pas, comme, trois questions après, tu sais. Tu veux quelle grandeur, quelle sorte, tu sais, en tout cas. Mais je pense que je devrais juste glisser des verres de scotch à la table. C'est ça. Mais là, il y a trop de choix de bière, puis c'est ça le problème, dans le fond. Il devrait juste avoir une bière. L'unique problème, bière, c'est le choix de bière. L'ultime bière. C'est... Mais peut-être, parce que, mais d'une certaine façon, c'est presque ça aux Patriotes, parce qu'aux Patriotes, c'est une brasserie dans Hochelaga où on vend des quilles de Laurentide. Bring c'est pas mal ça comme. Il y a pas tant de bière, mais c'est surtout que c'est pas le genre d'endroit où tu dégustes un carrousel de bière d'une microbrasserie. Mettons, Patriote. Puis l'autre jour, il y a une cliente qui m'a demandé un drink funky avec du sirop d'érable et du jus de litchi. Comme, hey, fille, on est à Brasserie des Patriotes, t'es déjà chanceuse qu'on achète autre chose que les écus. Non, mais pour vrai, là, c'est comme si t'allais au McDo, que tu voyais clairement les employés flipper des boulettes à burger, puis tu demandais un ceviche. Comme la même chose. Puis rendu là, je me dis, cette madame-là, si elle m'entend, premièrement, je suis fâchée. Puis deuxièmement, comme, qu'est-ce que tu voulais? Tu sais que je l'ai pas. Ah, veux-tu que je me sente mal? Ouais. Moi, je pense qu'elle voulait mon malheur. Ouais, ouais. Elle voulait te donner le high ground pour qu'après ça, tu y en doives une pour tout le reste de la soirée. Ben, je pense que c'est ça, parce qu'après ça, elle me redemandait un drink. Puis là, j'étais comme, ben là, si tu veux un drink, je veux de l'alcool puis de la liqueur. tu peux les mélanger ensemble. Ou faire l'inverse comme tu veux. Ou j'ai peut-être des agrumes qui traînent, puis du jus de canneberge, puis de la vodka. Hé, hey, Chris, on n'a pas ça. Ah non, hein? T'es donc même fan, tu sais, toi. Non, mais après ça, elle m'a dit, tu peux-tu me faire un Manhattan? J'ai fait oui, mais avec un rhum et du coke. Fait, en plus, le bar des Patriotes, c'est un bar karaoké. Oui! Hey, les savez-vous c'est quoi le plus fun dans un bar karaoké? Quand ça ferme! Hey! Wow! C'est parce que c'est pas vous qui travaillez pendant le bar de karaoké, vous êtes sous. Puis l'autre soir, là, ça, c'est très très vrai ce que je dis là. L'autre soir, je travaillais, tu sais. Et là, pendant le karaoké où tout le monde est en train de massacrer des chansons, et là, pas moi, je m'en. Pas tout le monde. T'étais pas là pour nous faire une performance. Puis là, je m'en vais prendre mon petit 30 secondes à moi, quand je fais pipi, dans ma petite cabine qui sent le vomi à moi. Puis là, pendant que je fais pipi, il y a une fille qui chante Mélanie Renaud. Je m'en veux! De ne pas t'en vouloir! J'en veux! Et pendant que ça chante, moi je fais pipi. Et là, il y a une cliente qui fait: Asti, pourquoi tu t'en veux de même, Mélanie Renaud? Pourquoi qu'elle s'en veut de même, hein? Hein? Puis elle me tape son téléphone sur le tibia pendant que je pisse! T'avais-tu une réponse? Ben là, j'étais comme, elle, comme pourquoi elle s'en veut de même? Je suis comme, je sais pas, peut-être que tu t'as à déranger la barmaid pendant qu'elle était aux toilettes, elle lui a fait un shampoing dans sa propre pisse, là. Comme, c'était que, en tout cas. Ouais. Ben, mais je sais pourquoi qu'elle s'en veut, Mélanie. Pourquoi qu'elle s'en veut? Ben, à la fin de la tune, on apprend qu'elle s'en veut de pas en vouloir à son mais chum. Mais dans le fond... Attends qu'elle en veut un peu. Ouais, ouais, elle va jusque-là. Elle va jusque-là. Elle l'aide à changer. Hein. Peut-être qu'au fond, je t'en veux un peu. Fait que, tu sais, elle m'aimait. Okay. Ouais, mais c'est une toune qui a été écrite par Roger Tabras, ça aussi. Fait qu'on sent la morve qui est de la stagnation humaine à sa plus pure expression. Hey, dans les toilettes, on n'était pas allé jusque-là. Non, c'est vrai. Non, ça, je peux comprendre. Laisse-moi pisser, comme. Check sur ton téléphone avant la place de me le taper sur le mais studio. Moi, j'en reviens pas l'idée de t'as un catalogue 120 millions de tonnes puis tu prends cette stigniserie-là pour aller, en tout cas, mange la marde, Roger Tabra, peu importe dans quelle réalité. Hey, où la caméra? Roger, mange la marde, Roger Tabra. Ben c'est là, bon. Justement, il est en haut, estime. Bref. Je pense pas qu'il est au ciel, lui. Ouais. Mais là, je m'en vais bientôt. Mais en tout cas, je m'en vais, je voulais juste dire que il y a aussi dans un bar karaoké là, tu demandes pas à la serveuse de sourire comme excusez ma face de face, une face crispée, mais là c'est parce que tu sais ma job c'est d'entendre du monde faussé. Comme c'est top d'avoir un sourire élégant quand quelqu'un est en train de scraper « I will always love you », tu sais. Fait que bref, je travaille là les vendredis soirs, puis si vous venez manger de la merde. Yeah! Merci Coralie, bonne fête. Merci, on va peut-être te revoir lundi prochain. Ah, c'est apprécié, on vient d'en apprendre. Toi, c'est quoi tu chantes quand tu vas au karaoké? Ice Ice Baby. Au complet, là, t'as connais pis tout, là? Non, je demande au DJ de l'arrêter au milieu. Ben oui, Chris, j'en chante au complet. Ben, fais-nous un bout. Lequel? Ben, le milieu, où t'arrêtes. Le milieu? Ouais. OK. Non, mais j'arrête jamais. J'arrête ben, je sais, j'ai OK, compris. Je peux faire la fin. Attends une minute, faudrait... Attends... OK, take heed, because I'm a lyrical poet. Non, comment ça? Mais où est-ce que tu veux, je comprends? Bruno, ta gueule, laisse-la chanter. Mais calice, c'est la même affaire tout le long. Take heed, because I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that create all the... Non. OK, mais d'abord, yo VIP, let's kick it. Le Oh, je pense que t'as prouvé. All right, stop. Mais là, je peux pas commencer. Virginie Fortin, mesdames, messieurs. À la fin de la tune, quand tout le monde commence au milieu. Ben oui, ben oui. Voyons. Ben c'est la même affaire tout le long. On est. Non, il revient. Toi, t'as rajouté un nœud, je pense. Avant non, il met deux fois. Ça avait été une de ses défenses quand oui, il disait que c'était pas un vrai sample de Queen. Parce que, en tout cas, non, c'est clairement un sample de Queen. Non, parce qu'il fait tout le temps. Il fait deux fois. Ah, c'est okay. Ça. Ouais, bon. C'est ça, et tout le monde est satisfait. Ouais. Ouais. Merci Virginie. Ben là, j'ai essayé, mais on m'a pas laissé. Non, non, on est prêt pour le prochain. Ouais. Oh non, vas-y. Merci beaucoup, les Folies à Benjo. Première fois, j'ai un jingle juste à moi. Salut Luduc! Salut Tommy! Ben oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à 70%. C'est même la première fois. Ben non, c'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est vrai! Il y a des archives en ligne. Là. Oui, c'est vrai. Mais la dernière fois, j'étais venu en tant qu'invité qui était pas sûr de qu'est-ce qu'il faisait. Fait c'est que vrai. J'étais comme le genre de gars qui s'assumait pas assez puis qui était comme, ok, je me fais-tu niaiser ou je me fais pas niaiser? Après ça, j'ai commencé à connaître Tommy, qui est un super de bon gars. Et... ouais. Là, ça va faire. La sortie là, est là-bas, monsieur. De Bégane, là. Et c'est ça, avec le temps, ben, quand on s'est parlé après, puis tu m'as dit, hey, tu devrais venir faire un autre topo à 70%. Ben oui. Fait que moi, premièrement, personnellement, de mon côté, je serais prêt à dire que c'est ma première fois en tant que panéliste. Ben oui, là t'es free for all. Là. Free for all, totalement. Ben oui. Et là, je sais que c'est très important d'avoir une bonne première impression. Il y a beaucoup de gens ici qui ne me connaissent pas pantoute, j'imagine. La majorité, je dis. La majorité, c'est en plein ça. Fait que c'est toujours bon d'avoir une bonne première impression. Et ça, je prends ça, je tiens ça en tête. Alors, les filles avec les seins qui grossissent. Hein? Mais oui. Alors, comme on sait, sur Internet, on trouve de tout. Oui. Et ça, tu vas être totalement d'accord. Virginie aussi, oui. Tu es d'accord avec moi. Ouais, j'ai peur d'où c'est que tu t'en oui, vas. Oui, moi aussi, j'ai peur. Parce que là, le pire là-dedans, c'est que je m'attendais, je me disais, oh, ça va être une petite soirée, c'est pas pire, mais là, je vois plein de célébrités et maudit que j'ai peur pour ma carrière. Et c'est pas vrai. Et oui, c'est ça, la fameuse règle 34, pour les gens qui ne le savent pas, eh bien, c'est si, admettons, on pense à un sujet en particulier, il y a sans doute de la pornographie ou de l'érotisme par rapport à ça. Et c'est le même cas pour le fameux fétiche dont je vais vous parler, c'est-à-dire le breast expansion. C'est-à-dire cette mode que les Japonais nous sont arrivés. C'est-à-dire d'avoir des personnages femelles dont, suite à un scénario quelconque, eh bien, les seins gonflent automatiquement. Genre deux piqûres d'abeilles. Ça existe pour de vrai, googlez ça. Piqûres d'abeilles, ben oui, c'est bon ça. Piqûres d'abeilles. Ouais. Piqûres d'abeilles, oui, c'est oui. Ça, dans la vraie vie, ça peut arriver, mais oui. Pas aussi gros que qu'est-ce que tu vois dans les scénarios que tu verrais dans les animes en particulier. Moi, je pense à tentacules de démons tout de suite. On sait aussi, on en voit beaucoup dans les animes, ben ça. Ben oui. T'sais, Notice Me Senpai, on en voit souvent de ça. Et le fameux principe des breast expansion, ça, on peut le retrouver ça a commencé à s'éparpiller un peu partout. On retrouve ça dans les bandes dessinées, on retrouve ça aujourd'hui aussi dans les films. On parle à Terminator 3. Ouais. On voit amener une scène où il y a un c'est vrai, elle se l'est fait grosser. Ouais, elle se l'est fait grossir en voyant une affiche d'un top model. On a Ah oui, Men in Black 2. On a aussi My Super Ex-Girlfriend. On a Dude, Where's My Car? Lorsque les blondes reçoivent le collier. Et on a aussi Jennifer Aniston dans Bruce Almighty, mais on voit pas la transformation. Dans le fond, on voit juste comme un avant-après. Tu sais, genre au début, elle est flat, puis elle menace l'ombre, elle se réveille, puis j'ai gros seins. Fait que c'est ça. C'est beaucoup d'humour. Et on voit que... Un seul film de Jim Carrey, c'est vraiment beaucoup d'humour. Et dans le fond, on remarque qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont décidé d'utiliser ça pour attirer le plus de public masculin. Bien entendu, c'est un genre de mode qui est un petit peu... qui vient un petit peu réduire le statut femme, et ça, je suis très d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, réduire le statut de la femme! Non, pas vrai, c'est pas ça que j'ai dit. Qui est d'accord? C'est pas ça que j'ai dit! Si vous êtes pas d'accord, je vous montre mes boules! Je veux dire, ok, là je savais qu'elle allait avoir écrit Pogo à soir tellement je suis nerveux. Et... Je veux simplement dire que le fait de minimiser le statut de la femme, ça, je ne suis pas en accord avec ça. Ouais, oui, une femme, voilà. c'est pas juste il y avait beaucoup de négation dans ton affaire, là, je suis sûr que... Ouais, c'est fait que bref, yeah, les grosses boules! Yeah! Ouais! Il y a deux, trois quotients en arrière. On les salue. Aïe, aïe. Et, dernièrement, Tommy... Oui, je suis tombé sur un site internet parce que oui, ça s'est répandu sur le web. Imagine-toi donc. Pas des grosses boules. Eh oui. What? Sur le web? Sur le web, ça existe. Où c'est que le web s'en va? J'espère que je suis pas trop proche du micro. Non, t'es correct. Let's go. OK. Eh bien, il y a un site qui s'appelle expansionfan.com. Et ce site internet-là, eh bien, ça offre des bandes dessinées à caractère de breast expansion qui sont bimensuelles, c'est-à-dire une fois aux deux semaines. C'est offert par des scénaristes à travers le monde et c'est illustré par des gens en Corée qui veulent avoir du travail. Des gens de talent qui perdent, en tout cas. Ouais, c'est ça. Anyway, s'il y a un maillot. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été explorer ça un peu parce que je suis curieux de nature, professionnellement. Et dans le fond, j'ai pogné cinq titres personnels que je me suis dit, crime, c'est assez whack. Je trouve ça bizarre à quel point, parce que tu sais, on peut se dire qu'à un moment donné, il y a du monde qui vont peut-être se chatouiller le zizi avec ces titres. Pas peut-être. On confirme que oui. Super, pas peut-être. Alors, j'ai pensé à vous donner un petit jeu, messieurs, dames. Et le jeu, c'est que je vous donne un titre et vous essayez d'imaginer quel est le scénario avec en incluant un breast expansion. Est-ce que ça vous tente de participer? Let's go! Okay, go. Vous avez le droit de participer, vous autres aussi, à la maison. À la maison, OK. Alors, si je vous dis Professeur Wen... Professeur Wen. Là, pour les geeks ici, vous allez vous amuser. Oh ouais, ah, ça c'est comme le gars qui s'occupe des Pokémon, non? C'est Oak, ça? Non, c'est pas ça. Wen. Ben, c'est un professeur qui prend une fille qui a pas des grosses boules, puis qui en met, tu sais. Quand est-ce qu'ils vont grosser? C'est ça, exactement. Ouais. Qui se pose la question de quand. Professeur Wen. Ah, Wen comme ça, j'ai compris Owen. Genre. Ah, non, c'est Professeur Wen. Okay. C'est le professeur Kian en français. Ok, bon, ben, il prend des notes, c'est ça. Prend des notes? Oh, ouais, eh bien, vous avez totalement faux, malheureusement. Mais c'est une parodie de Doctor Who. Ah! Le professeur Wen visite une station spatiale qui est dirigée par une reine extraterrestre dont les esclaves se font pousser les seins afin de pouvoir être sur son full contrôle, être à son contrôle au plus total. Comment tu fais pour te faire pousser les seins? Non, mais dans le fond, ils ont comme un genre de rayon psychédélique ou psychotique. Je sais pas ce qui se passe. Ok, justement. Next, c'est bon. On y va avec le prochain, si je vous dis, The Cleavage Crusader. Oh. OK, ça, c'est clairement des petits soldats qui essaient de se rendre de la gorge au nombril et devront passer entre une paire de totons qui est en pleine expansion en ce moment, puisque c'est ça. Donc c'est les murs se referment. Oui, c'est ça. Ils grossissent. C'est là pour passer vite. Pour passer vite parce que les totons, murs se ferment parce qu'ils sont en train de prendre exact. De l'expansion. C'est ça? Ça peut vous pas avez être totalement faux, encore une fois. C'est une parodie de super-héros. Où notre protagoniste principal reçoit un pouvoir magique suite à des rayons spéciaux qui lui permettent de grossir les seins et de ratisser les seins selon ce qu'elle veut, selon son selon de quoi il a goût de se crosser, là. C'est ça ouais, que t'es ça. En train de me dire. Genre, elle pense, je vais avoir des gros seins, ça augmente automatiquement. Si je vais avoir des petits seins, je vais passer en des grecs. Comme chérie, j'ai réduit les totons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Souvent aussi, les fantasmes, c'est des affaires que t'as pas nécessairement le contrôle dessus. Fait que si la personne tripait ses boules et gagne le contrôle de toutes les boules, ça doit être une tragédie pour cette personne-là. C'est assez triste. Pendant 3 semaines, c'est super hot, puis après, pensez-y un peu. OK, next! On continue. Clara Steele and the Boobs of Quitesh. Attends, répète ça. OK. Clara Steele and the Boobs of Quitesh. Ah, c'est sûr que c'est un remake de Lara Croft. Elle s'en va dans une civilisation perdue, trouver un talisman qui lui permet de finalement être aimé pour des bonnes raisons. Eh bien, je te donne le point, Tony. Ouais! Parce que t'étais proche. T'étais proche. C'est une parodie. Ben, c'est, il casse le verre. C'est une parodie d'Indiana Jones, à vrai dire, mais Tomb Raider, c'est pas mal proche. T'aurais dit Nathan Drake, je l'aurais laissé. C'est d'Indiana Jones. Je pense que oui. C'est la version avec Saint d'Indiana Jones. Alors, Lara Croft. Et dans le fond, je me rappelle plus de son nom, Clara Steele doit aller dans un temple pour aller chercher une relique. Et oui, quand on touche la relique, ça fait grossir les seins et elle n'est plus capable de sortir du temple. Hey, ça, c'est tous des gars qui ont écrit ça. C'est bon, ça, par exemple. Ah, tellement ça, c'est un bon développement. Comment qu'elle fait pour s'en sortir? Elle est obligée de se couper une boule. Écoute, j'attends encore le tome 2, moi. Est-ce qu'on est... Le suspense est insoutenable, hein, comme poignée. Et comme poignée. Est-ce que j'avais réussi pendant ce temps-là? Il se passe de quoi? Elle se masque quelque chose. OK. Le prochain, je pense pas que vous l'ayez, malheureusement. C'est Tender Mercy. Tender Mercy. Tender Mercy. Tender Mercy. C'est l'histoire d'une fille qui peut se faire grossir les boules, mais elles sont vraiment molles. Non, moi, je pense que c'est pas ça du tout. Non? Tender Mercy, c'est une femme qui a fait de l'euthanasie grâce à ses totons. Ah! Elle étouffe des patients mourants en les empêchant de respirer grâce à ses énormes totons. Wow! Crime, je pense qu'on va aller chercher un scénario avec ça. C'est ça? Non, c'est malheureusement pas ça. C'est un Chris de bon guess. C'est un méchant bon guess. C'est sûr par que ce que tu vas nous dire. Regarde, c'est je te donne un demi-point, Virginie, parce que pour l'effort. Pour l'effort. Parce que ton scénario est meilleur quand que même. Celui qui va nous dire. Il est pas mal meilleur, je te le confirme. Dans le fond, c'est l'histoire d'une nonne qui s'en va dans un couvent. Bouh. Et que Satan décide d'essayer de l'influencer en la transformant en grosse guédaille. Wow. Fait que, il grossit les totons et automatiquement. Je peux pas croire que j'ai dit tonton ici. Ah, ouais, ben moi j'arrête pas de dire c'est tonton. Peux pas croire. Non, c'est ça. Et, c'est mieux que des Joe. Il grossit Joe. J'aime pas voilà. Ça, ce mot-là. Les Wallows. J'aime ça, les Wallows. Hey, vos gueules. OK. Focus aussi. Et dans le fond, elle se fait remettre sur le droit chemin par Jésus, l'archange Michael, qui vient essayer de la purifier en la ramenant comme étant nonne. Ça, mais malheureusement, elle aime son statut d'avoir des grosses boules. Bon, ben voyons. Next. Là, et on un termine petit avec dernier, un petit dernier. Un petit dernier, ben justement, c'était mon dernier, mes les amis. Et en même temps, ça va être accompagné d'une petite anecdote, si vous permettez bien, parce que celui-là, j'ai un amour et j'ai de la haine envers cet épisode-là. On est prêts. Vous êtes prêts? Alors, Inflated Ego. Inflated Ego. Inflated Ego. C'est quoi inflated ça vous interpelle? Ego. C'est une fille qui participe à des compétitions de montgolfière, puis elle réalise que la sienne est vraiment moins haute que celle des autres. Puis elle dit « Satan, je te vends mon âme » ou elle va chercher une magie quelconque. Puis là, elle fait les montgolfières que tout le monde regarde en faisant « Tabarnak ». Oh, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est une poupée gonflable qui prend vie, mais chaque fois qu'elle dit un mensonge, c'est tonton grossisse. Ouais. Eh bien, Virginie, je te donne un demi-point. Yes! On a égalité au sommet! Ah, c'est rare que je vois Bruno. L'histoire, c'est l'histoire d'une fille populaire qui vient rire d'un petit rejet de sa classe et en disant que cet enfant-là, son camarade de classe, il pourra juste faire l'amour avec une poupée gonflable. C'est pas vrai! C'est pas inflated! Mais par mégarde, eh bien, il s'avère que le professeur qui les enseigne tous les deux est une poupée gonflable! Non, est un magicien qui transforme la fille populaire en poupée gonflable. C'est l'inverse! Et lors d'un travail en équipe, le professeur décide de mettre le pas loin. T'étais vraiment pas loin. J'étais pas loin. Décide de mettre l'attention au micro à Walter White. Ben, ça, c'est un trois quarts de point, ça. Là. c'est elle qui gagne. Et là, au moment du travail d'équipe, ils sont à la maison du gars rejeton. Et à ce moment-là, la fille commence à se transformer en poupée gonflable et tombe en amour avec le rejeton. Et voilà. Wow! Luduc, sinon, t'es sur Facebook, tu fais des visites. Tu veux entendre mon anecdote avant de finir? Oui. Fais ça vite. Eh bien, écoutez, là-dessus. Je dois avouer que il y a une petite anecdote par rapport à ça. Par rapport à des gros tontons. Oui, c'est que il y a 6 ans, je faisais affaire avec un forum de discussion où ce que on était des scénaristes qui se comparaient nos scénarios et j'écrivais beaucoup pour du roleplay. Ah ouais. OK, du roleplay, alors tu sais quand genre X-Men RPG, tu sais moi j'étais un gay, OK, ça excusez là. J'ai été vierge pendant une couple d'années. Qu'est-ce tout le monde dit qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Hey, madame, j'ai juste joué à Mario Kart. Il te l'a-tu dit? Il me l'a dit, mais let's go, let's go! Donc, ça, okay, excuse-moi! Et c'est parce que là, je suis gêné à raconter ça ici. C'est que l'affaire est que, un moment donné, il y a un endroit où c'est écrit offre d'emploi. Et des fois, il y avait des employeurs qui disaient écoutez, on a des offres d'emploi, on peut vous payer. Et il y en a une, un moment donné, il y a un article qui vient popper. 700 views, aucun reply. Et là, je me dis comme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, je décide de m'en aller, d'aller voir l'offre en question pour me rendre compte que c'est un éditeur au Nevada qui cherche des scénaristes pour le site internet Expansion Fan. C'est là que tu as découvert le site. Ça fait 6 ans de ça. OK. Et là, je vois qu'il n'y a aucune réponse. Il demande des scénaristes pour du Breast Expansion. Et là, je vois ça. Je trouve qu'il fait pitié. Moi, je me dis, je vais y lâcher une joke. Fait que là, moi, j'arrive, j'y dis, écoute, tu devrais faire une bande dessinée sur une fille qui se transforme en poupée gonflable. Là, moi, je ferme mon ordi, je ris ma vie, je m'en vais me coucher. Et bonne c'est ton nuit. Numéro 5 ce soir. Et là, j'arrive. Ta mère ne brûle pas le punch, man. Ben là, fait que là, tu l'as déjà dit tantôt, ton punch. Ta mère! Let's go, fait que là, j'arrive. J'arrive le lendemain, l'éditeur m'écrit en me disant, oui, c'est ça qu'on veut! Alors, jusqu'à ce jour. C'est toi qui as écrit une flate machin. C'est fou ce qu'on peut faire. Je veux juste dire que je me suis fait 800$. Merci beaucoup, Thomas. Ludique, mesdames, messieurs. Je vous invite à aller voir son YouTube. C'est quelqu'un de très actif sur la scène geek. Souvent, quand il y a du cosplay, Ludique est pas loin. On est rendu au dernier, mesdames, s'il vous plaît. C'est mon cas. Merci, deux fioles et un clan Joe, mesdames et messieurs. Hey, c'est ma joke, ça. Ouais, c'est la joke à René. C'est pas vraiment drôle. Deux fioles et un clan Joe. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Tommy. Let's go, parle-moi, c'est... Mathieu. Ouais. Salut Virginie. Allô Mathieu, ça va? Ouais, ça va. Ça va pas si pire. Mais qu'est-ce que t'as dit? T'as pas dit deux viols et un clan? Non, j'ai dit deux fioles et un clan Joe. Ah, oh, ok. Un clan ouais, Joe. Ça fait plus de sens. Ah, oh, ouais? Elle m'a parlé. Non, c'est correct. Je trippe pas tant que ça. Calisse, ça commence pas bien. Veux-tu qu'on te laisse 15 minutes pour rebooter? Non, ça va aller. Mais Tommy, tu sais, moi, la régularité. Oui. La régularité, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Hein. Avec les cristaux de Jello aux fraises et le hashish marocain, c'est des choses très, très importantes pour moi. Alors, je vous invite à ne pas hésiter. N'hésitez pas, que ce soit après un gros vent assumé ou un petit peu de sourd, hein, allez chier. Allez-y. Prenez le temps de faire la grosse affaire, OK? Allez-y. D'ailleurs, cet après-midi, je me suis rendu compte que faire un pet sauce après une douche, c'est une perte de temps. Ça a pris du temps. Tommy? Oui? Tu le sais que moi, j'ai jamais fait ça pour le cash. Hein? Ah non? Tu le fais pour la bière. J'ai jamais fait ça pour être célèbre. J'ai jamais fait ça pour le pouvoir. Mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il y a un 22 mars, pogné d'une tempête de neige, ça m'est arrivé. Mais comme c'est arrivé à tout le monde, hein, parce que je suis pas le premier, je ne serai pas le dernier, hein? L'esprit humain, c'est fort. Toi, Virginie, tu le sais, l'esprit humain, c'est très fort. Oui. Très, très fort. Ça fait partie des foyers. Écoute, t'es capable de... T'es capable de t'apercevoir de bien des affaires, hein? Mais je vais te dire rien qu'une chose. Vivre. La vie, ça arrive. Oh! Oui. C'est tellement beau. Oh, wow. C'est un t-shirt, ça. C'est profond. À un moment donné, t'es pas là, paf, t'es là. C'est fascinant. Arnaud va nous faire une belle image avec des petits chérubins puis un coucher de soleil, là. Ouais. Et si je dis ça, c'est parce que mon fils est venu me demander cette semaine, il me dit « Papa, pourquoi on vit? » C'est un gros dossier. C'est, oui. C'est un très, très gros dossier qui n'a pas été réglé, puisque j'ai eu le bon réflexe en tant que mauvais parent dans ta chambre! C'est pas vrai. J'ai dit, ta gueule, OK? C'est moi qui parle. C'est tannant. Oui. J'ai dit, c'est ça, tu m'as mélangé. C'est pas vrai que j'ai dit ça. J'ai dit, demande à ta mère. Non, c'est pas vrai non plus. Sa mère est morte. Donc. Et il n'a plus le droit de jouer à Ouija. Alors, c'est comme ça. Ouais, il n'a plus le droit de jouer à Ouija parce que la dernière fois, il a calé un des avions du 11 septembre. Je t'épargne les détails, mais il a fallu faire un hostie de gros ménage puis remplir bien la paperasse. L'avion. Au complet. Avion, es-tu là? Puis là, ça écrivait... C'est comme ça. T'es con. Toi aussi, va chier, man. Ben, merci. Ben, écoute, anyway, hein, c'était ça que j'avais à te dire cette semaine. Ben, même où je suis bien occupé ces temps-ci, je fourre. Fait que j'ai d'autres choses à faire. Et si je suis ici ce soir, en fait, c'est pour lancer un album. Hein, parce que moi, je suis musicien dans la vie. Et ce soir, je lance un album. C'est un album de Scorpion. Hein? C'est un greatest hit, alors ça contient toute la shit de Scorpion. Tout ce qu'on entend à Chaume une fois par ouais, jour. Ben, on parlait tantôt de karaoké. Moi, je suis animateur de karaoké. Je comprends ta douleur. Ça me rend fou. Quelqu'un qui se met de même là, puis qui me dit « Sors où tes papiers? » Puis je dis « Ben, Chris, en dessous de toi. » C'est comme « Allume, le gros. Okay? » les douchebags, les gens sous. Rock you like a hurricane, OK? Still loving you. Tease me, please me. Ça, je suis prêt à parier que tu la connaissais pas. Hein? Puis aussi la fameuse Wind of Change. Alors, c'est gratuit, c'est pour toi. 104 semaines. Et l'album a été lancé. Et voilà, merci Mathieu. Très généreux de ta part. Allez-y. Mathieu Moudreau, mesdames, messieurs. Oh, il est capoté. À Virginie, si on est des fans de Miss Fortin, on veut suivre tous tes déplacements, être au courant de tes prochains spectacles. Comment tu vas te stalker solide. Quelle est la meilleure source de fortinisation? Je sais pas, je suis vraiment pas bonne avec Internet. Fait que tu nous invites pas à aller sur ton Facebook. Allez sur Facebook, mais bonne chance. On Google ton nom à toutes les 2-3 jours. Vous avez vraiment envie de me suivre dans la rue en général. Pour savoir ce qui se passe avec moi, c'est plus safe. C'est dit, ben merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Ah, c'est pas encore tout à fait fini, on va revenir à ça. Yes. Let's go, on y va pour le dernier bloc de nouvelles. Une école de North Yorkshire au Royaume-Uni a décidé de restreindre l'accès à ses toilettes à des périodes spécifiques de la journée, soit entre 11h05 et 11h25, et entre midi 25 et midi 45. La décision a été accueillie avec beaucoup d'animosité de la part des parents et élèves qui trouvent, comme vous, que ben là, qu'est-ce que c'est ça? Ben non, mais c'est sûr que c'est parce que c'est trop proche de la période de dîner. Tu penses? Ben oui. L'école affirme que les toilettes resteront accessibles le reste de la journée pour les enfants avec une condition médicale qui ont un papier du médecin. Une manifestation a été organisée sur le terrain sportif extérieur de l'école et la police a été appelée par l'école pour contrôler la situation. Va chier dans l'évier. La police a rapidement quitté les lieux affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de police. Ben non, il s'agit pas d'une affaire de police. Ah, calvaire, man! Fait que le monde est meilleur. Je pense que oui. L'expérience a tellement bien fonctionné qu'à ce temps, partout on va faire ça. C'est... Plus ou moins 10 minutes, peut pas aller chier, c'est. Bon, next. Ben. Next. Et finalement, voulant faire une blague à ses amis, à leurs amis, pardon, un couple a décidé de leur envoyer une photo de la femme du couple dans un bain avec plein de ketchup sur elle, façon à ce qu'on croit qu'elle est une victime de meurtre. Alors que l'homme du couple se vantait d'avoir tué sa femme quand le prévisible est arrivé. Trois amis du couple ont appelé la police en panique. Les policiers se sont présentés sur les lieux et ont constaté que la femme était encore vivante et que le tout était une excellente blague. Faut être tweet en esti, pareil, là. Ben là, c'est quoi? C'est-tu comme quand tu t'appelles parce qu'ils ont fait trop de bruit, tu sais? S'il faut qu'on revienne, ben là, tu vas avoir une amende, genre? Non, le couple a été arrêté pour avoir causé une panique. Une loi qui existe au Royaume-Uni. Ah oui? Wow. Hey, moi, j'ai déjà stimulé un cambriolage pour ma coloc. Simulé. Ouais, moi aussi j'ai entendu. Simulé. Yeah, c'est bon. Non, ça, j'ai simulé un cambriolage. Il m'a touché ma petite TV. Non, non, j'ai simulé un cambriolage. C'est-tu mais... comme des aveux, là? Ça peut tuer. Ouais, c'est ça. C'est enregistré, tout ce qui est en train de se passer ici. Elle sait très bien que c'était pas vrai, finalement. Mais juste avant ah, ok, la je pensais que c'était pour les assurances, genre. C'est-tu juste... malade? C'était juste pour y faire peur à elle, la crise. Ah, ok. Mais... on la salue, faites la tabarnak. Ça. Faites pas ça à vos amis, hein. Vous perdez c'est des belles non. amitiés. Apprenez-le hey, de la meurt... bouche de. Ben, oh, tabarnak. Meurtre au ketchup, ça se fait pas, ça. Ben, c'est l'étape après, là. Je pense que... ils ont pas appris quand ils ont simulé le je pense que le gars en carte de golf sous qui voulait écraser ouais. le coq, ça se rend con. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno. De toute beauté. Merci à tous merci les chroniqueurs. Bruno. Un merci particulier à Virginie Fortin. Merci à vous autres, la gang. Là, t'es pressé ce soir. J'espère que tu vas revenir faire un petit set mais de oui, stand-up ça dans le futur. Fait que, je te stalk sur Facebook, oui, c'est correct. Elle dit que c'est correct. Merci d'avoir été à 70%. Un éternel merci à nos techniciens là-bas, Steph, Olivier et Alex. Et avant de passer au set de VJ de notre ami Giz, je vous laisse aux mains expertes de deux folles et un banjo qui vont nous jouer quelques-unes de leurs meilleures chansons avant de poursuivre avec le reste. Vous avez écouté 70%. Merci en tabarnak. Merci à tous. Ouais! Ben, nous autres, on est ici pour vous chanter des chansons très pertinentes. Alors, on y va, René! On approche dangereusement du mois international du grilled cheese. Oh! Oh! Le mois d'avril extraordinaire! Ça se goûte tellement bien un grilled cheese pendant l'apocalypse, hein, René? Tu calfeutres tes fenêtres avec du fromage orange. Ah, tu peux tout faire avec ça, te défendre, te nourrir, calfeutrer, exactement comme tu dis. Hey, c'est ça, on peut même faire des shurikens avec les tranches de fromage, ça dure éternellement! La bouffe de l'apocalypse! Les grilled cheese! Que tout va mal et que t'es perdu à la malle. Quand t'es au bout du rouleau et que celui qui reste est tombé dans l'eau. Tout chie, ah, tout chie. Et pas cantiner de façon pour régler la crise planétaire. La solution ne coûte pas cher et n'inclut pas de jambon. Pas nécessairement. La semaine internat, semaine internat, semaine internationale. Du grilled cheese, semaine internationale, semaine internationale, semaine internationale. Du grilled cheese. Oh yeah. Après avoir fixé avec ennui le frigidaire, les fruits moisis célèbrent leur premier anniversaire. Quand y'a l'écho dans ce coin des airs, que ta bouteille est suicidaire. Quand pour passer la frustration, t'en es peut-être des bouffons tout le temps. Semaine internat, semaine internationale, du grilled cheese, semaine internat, semaine internationale, du grilled cheese. Quand ton dentiste t'en garde et tu sais que t'es dans la marde, ça va coûter cher à travers le plancher de te rendre compte que le sous-sol est habité. Colmate la brèche avec du fromage. Tu restes roi et maître de ton buccal paysage. Tant qu'il te restera une motte de beurre pour 33 sous de pur bonheur. Semaine internat, semaine internat, semaine internationale. C'est le grilled cheese, semaine internat, semaine internat, semaine internationale. Quand les gens ne se lèveront plus, qui seront changés en furet, en tutu, qui gambaderont avec des navets. Pour Alpédric de folle avait un grain coincé. C'est soin. Semaine internat, semaine internationale. Grilled cheese, semaine internat, semaine internat, semaine internationale. La semaine internationale. Grilled cheese, la semaine internationale. Grilled cheese. Une tranche de fromage, tu restes roi et maître de ton bucal paysage. Deux tranches de pain, une tranche de fromage, tu restes roi et maître de ton bucal paysage. Deux tranches de pain, une tranche de fromage. Yeah! Hey! C'est-tu déjà la toune du rappel, René? Oui, c'est notre chanson de rappel. On est vraiment contentes. C'est une nouvelle chanson qui n'a jamais été jouée sur les ondes, nulle part. Nulle part! C'est une exclusivité! Un rappel! Un rappel! Un rappel! Un rappel! Vous serez servi! Vous allez voir, c'est vraiment calme. Un rappel! Sont-ils prêts? 2, 3, 4. Enfin sorti de son laboratoire expérimental, le rat retrouve enfin son instinct animal. En quelques enjambées se retrouve à la plage. Il est encore temps de se parer d'un bronzage. Il sera les plus beaux. Le plus bronzé des aminos. Sur le ventre, puis sur le dos, badigeonné d'huile de coco, sans crème solaire ni parasol. caracole. Mais un passer était roussi, un doux fumet de dinde rôti le réveilla dans un sursaut, car c'était l'odeur de sa peau. En panique et époilé, cherchant partout où se cacher, il n'aura jamais son teint doré que sa peau en lambeaux qui rappelle certains tableaux de Riopelle. Les albums à vendre. En plus, ça vient avec une scène noire, hein, je pense. C'est sûr qu'ils ouais, ouais, ils vous remboursent une scène. Merci beaucoup. Deux folles et un banjo encore. Donnez-y. Ben oui. Et là-dessus, on s'en va vers ce qui a fait la renommée de nos soirées du lundi. C'est bien entendu le set de VJ. Ce soir, on confie la tâche à un VJ d'expérience. Guise de Pessemier, mesdames, messieurs. Ben oui. Un habitué de la webosphère québécoise qui nous a préparé un petit particulier. Je t'invite à prendre le contrôle quand tu veux, Giz. Je suis très content que tu sois avec nous ce soir. À partir de maintenant, ça se peut qu'à toutes les fois que j'aille le micro, je sois plus sous. Ça se peut. Merci. $1,200 to fix it. You know, it occurs to me, you could solve all your problems by obtaining more money. Yes, it occurs to me too. Hang on a moment. Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de marche, faire attention dans les escaliers, ça marche. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial-icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Le territoire avait l'air d'une rivière africaine, mais... ça, on va le changer. Merci, c'est parce que je faisais un lien. Tu sais, quand. En tout cas, on n'ira pas plus loin. Fait que, tu sais, moi, pour comme m'aider dans ma situation, puis pour comme calmer mon ego, tout ce que je trouve à dire à ma blonde, c'est comme. Ouais, mais au moins, ça. Je me sens mieux. Puis elle me dit quoi? Ben, au mieux. Au moins, tu sais, je me sens mieux. Tu parles pas assez fort, répète. Au moins, j'ai évacué mon stress! Mais ça, quand tu dis ça fort, là, on s'entend-tu que c'est pas très normal d'entendre une clinique d'avortement rire? Fait que, tu sais, j'ai dit ça, puis là, elle est partie en rejoindre l'infirmière pour se préparer. Et moi, pour gérer mon stress, ce que je me suis dit, c'est que si je me mettais à bouger pour aller au rack à magazine, tout allait être beau. Parce que, tu sais, tout le monde connaît le dicton. Quand tu lis un magazine de zen, ça te fait oublier que t'as zing zing. Fait que j'arrive au rack et... sincèrement, j'étais un peu stressé parce que là, tout le monde dans la place me regarde. J'ai l'impression qu'il y a un complot contre moi. Et là, je me rends compte que ma recherche part très mal parce que je tombe sur un magazine de Châtelaine où, sur la page de couverture, il y a un top 5 des meilleurs préservatifs. Ouais. Et, tu sais, merci Châtelaine de l'intention, mais il est trop tard. Après ça, je tombe sur le guide de l'auto. Fait que là, je me dis, hey, le guide de l'auto, j'aime pas les autos, mais au moins, il y a des autos dedans. Ça va me changer les idées. Et je clique sur la page couverture et ils sont en train de vanter le char le plus économique. Avec le slogan, protégez-vous. Et depuis ce temps-là, j'ai les Mazda protégées. Et je suis tombé aussi sur le meilleur de tous les magazines. Le magazine Toxicomania. Avec sa chronique sur les drogues dures et son titre de feu, ça te rentre dedans! Et croyez-moi, ça m'a rentré dedans. Rentré dedans au point que je suis retourné m'asseoir. Puis je me suis dit, non, non, non, c'est pas vrai que je vais me faire faire la morale par des magazines. Fait que, tu sais, je me dirige pour retourner à mon siège. Et c'est là que ça s'améliore pas parce qu'en regardant au loin, je constate que le nouveau couple assis à côté de mon siège. Est composé du gars qui m'intimidait au secondaire. Le gars qui m'intimidait au secondaire. En tout cas, c'est le fun de voir qu'il fait encore des erreurs, lui aussi. Sauf que, tu sais, je pense à ça, et là, je le regarde en m'approchant, mais je regarde même plus où je m'en vais en marchant. Fait que je m'enfarge, je tombe, et je tombe la face sur son genou. Comme quoi, même après 8 ans, mon visage se souvenait de sa place. Fait que là, comment dire ça? Je suis knock-out. Je me réveille. Et je suis en robe d'hôpital dans un des lits d'après-avortement. Et je me sens un peu comme... un diplôme d'études secondaires dans l'émission L'amour est dans le pré. Je ne suis pas le bienvenu. Merci, Tommy. Fait que, tu sais, parce que, entre vous et moi, là, je suis pas un génie, là, mais je pense pas que j'ai la force nécessaire pour comme appuyer ce que c'est un avortement. Je veux dire, moi, la dernière fois que je me suis coupé avec une page, je suis allé à la clinique en disant que j'avais le sida. Je veux dire, je suis pas un génie, mais je sais que je suis pas fait fort quand tu veux des soins parce que tu t'es fait attaquer par la biographie de France Castel. L'addiction aurait fait un changement dans ce gag-là. Fait que tu sais, je m'assois, je me calme, j'attends ma blonde, je suis assis sur le lit, mais pendant que j'attends, il y a un gars qui se dirige pour aller rejoindre sa blonde, et il me regarde dans les yeux, et il y arrête. Il me regarde, et il est de même. What the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Et je suis venu à la conclusion, ce soir-là, que je suis peut-être pas devenu papa, mais je me console en me disant qu'il y a un gars qui a commencé à prendre la pilule. Sur ce, ben, bonne soirée! François-Luc Saint-Gelais! OK. Faut que je chante ton indicatif, c'est ça qui se passe, là? Ouais. Vous écoutez Étienne Champion. qui fait une tune country à 70%. Il aime pas bien ça, être ici, il se sent mal, il sue un peu des ponts. Bonsoir. Bienvenue à l'encan du douteux. Est-ce que vous voulez d'autres histoires de peur? Non! Parfait, j'en ai pas d'autres pour ce soir. On commence donc l'encan du douteux. C'est important de financer ça. He-Man! Un beau poster. Très. Ah, merci. OK. Si, OK. Non, on commence les enchères là, avec ça. Là. Mais on commence les enchères en gros en tabarnak. Parce que c'est plastifié de chaque côté. Oh oui! Combien que tu donnerais pour ça? 5 piastres! Hey, on a un 5! Chris, 5 piastres, man! 6! On a un 6! 7! Juste une chip! 8! 9! 9! 10! Tabarnak, ça monte vite. C'est un Chris de beau poster. Il est plastifié en haut et aussi également que en bas. C'est un très beau. Est-ce que la dernière offre c'était 10? 11! Tabarnak! 12! On a un 12. 12! J'entends 2 fois 12. J'entends 3 fois 12. Oh, tabarnak! 14! 14! OK, là, ça se bat, là. OK, je vous rappelle que 14, c'est plastifié en haut, plastifié en bas, et aussi, également, il y a des nipples. Donc, 14. 14 deux fois. 14 trois fois. 14. Monsieur 14, où c'est qu'il est? Ouais! Bravo! Bravo, Monsieur 14! On continue avec cette merveilleuse boîte à lunch de Plants vs. Zombies. Et il y a une surprise! Oh oui, c'est Garden Warfare 2. Y a-t-il une surprise? Ah, y a pas de surprise. Ah, y a pas de surprise à l'intérieur, finalement. Non, ça part. Y'a rien dedans. Plants vs. Zombies. Garden Warfare 2. Si vous travaillez dans un bureau, c'est très, très, très utile pour amener votre sandwich. Ou aussi, également, peut-être, aussi... Hey, des deux bords! Non, c'est pas top. La game des boîtes à lunch a évolué. Donc... Est-ce qu'on commence avec une offre? 5! 6! 6! 7! 8! 9! Le pire, c'est qu'elle est belle! Attends, j'ai-tu entendu un 10? Le pire! J'ai-tu entendu un 10? Non, je sais pas, j'ai dit pire, pas 10! OK, 9. Il y a eu un 10 ici en arrière. Oh, 10 ici en arrière. 10 ici en arrière peut pas reculer maintenant. Donc, le Magellan mauve, exactement. D'ailleurs, cette boîte à lunch est colorée de Magellan mauve sur les bords. On a un 11 là-bas. Combien que je peux te donner, moi? Donc, on y va pour... On est à 11 là-bas. Là. Tabarnak, sti! Il y a un défoncé. OK, 11! Quoi? Une fois! 11 une fois. Deux fois! Deux fois? Vendu, tabarnak! 11! Hey! Merci. Il en voulait en tabarnak. Oh! Donc, on continue, l'item final. Hein? Mais tu ça? Ça, là, si vous voulez vous introduire à l'univers de Star Wars, c'est vraiment underground, personne connaît ça. Non, personne connaît ça. C'est vraiment pas pire. Je peux vous lire un petit passage. Choisirez plus tard. Donc, il y a du. C'est écœurant, il y a des faits soyants, fous. Des faits soyants. Est-ce qu'on a une première offre? Un! Un! Ouais, deux piastres. Ah, c'est la guerre de le retour de le Jedi de la guerre des étoiles. Deux! Deux! On a un deux, hein? Deux une fois! Trois! Non, non, non. S'il vous plaît, là. J'ai tué un trois. Trois une fois. Trois deux fois. Trois trois fois! Hein? Quoi? Hey! Asti, j'écoute mal. J'ai aucune audition, Asti. Quatre! T'es sérieux? C'est bon de mettre le gars. Sacrement! Hey, non! Il y a même qu'une. Quatre une fois! Il y a même qu'une, mon con. C'est parfait. Tu vois, tu peux leur faire super. Quatre une fois. Quatre deux fois. Vendu. Oh, ouais, c'est vendu. C'est vendu en Chris. M'en viens te le remettre. Merci beaucoup, Arnaud Audette, mesdames, messieurs. Ben oui. Notre bon Mathieu Boudreau va passer la petite boîte. Laissez le change qui traîne dans votre poche se faire des amis. Tiens, mets ça là-dedans, c'est bien correct. Ben oui, t'es magique. À partir de maintenant, je vais baisser l'écran. On se prépare à quelque chose qui va décevoir tout le monde. C'est un petit peu... en fait, douteux.org, c'est né autour du concept d'obliger des gens à écouter des longs métrages. Au départ, c'était très facile parce que la majorité des films qu'on passe sont sur YouTube. Le film qu'on passe ce soir est sur YouTube. Ce nonobstant, la version qui est sur YouTube n'est pas en français. La version qu'on va jouer là est en glorieux français. Glorieux français québécois. Rendu là, on est rendu au moment où vous allez être déçus. C'est un combat entre toi et le droit de dire que tu l'as fait. Puis il y a des bouts, c'est des petites perles. C'est comme chercher un œuf de Pâques dans un océan de diarrhée, tu sais. Tu le vois, là. Il y a vraiment des petits spots sucrés que t'es content quand tu tombes dessus. Sinon, t'as envie de retourner te coucher et c'est un euphémisme. On est donc devant un long métrage. Les requins, c'est des fantômes et ils apparaissent dans ce qui est mouillé. Tu y penses, il y a plein d'affaires mouillées dans la vie. Ta bouche, quand même. Donc, le requin fantôme, on l'écoute. Vous auriez pu prendre un film de 1987 avec un clown qui est... On écoute le requin fantôme. Calisse. Ceux qui sont là dans le dos à la fin du film, bravo. On l'a projeté une fois l'année que c'est sorti parce que c'est vraiment... Calisse. Merci d'être là, on est là lundi prochain, c'est ma fête. Allez voter, il reste encore 24 heures même pas. Est-ce qu'on va écouter le meilleur des Beethoven ou on va écouter le singe espion en français qui rencontre Monsieur Miyagi puis qui a... Le singe, aussi à 70% on va avoir le chanteur de The Box. Font un comeback, puis moi j'aime bien grosse bande là, puis c'est ma fête, puis Élise a travaillé fort. Ouais, cute, hein? C'est le chanteur de The Box.